petit Rotten en attaque. Devinez qui ? Votre serviteur, Christophe Dugarry. Ça commence à faire une belle équipe tout ça, non ? Le nouveau show-foot d'RMC, Team Duga, demain 18h-20h sur RMC. Et c'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de votre week-end avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors c'est ce qu'on appelle un dimanche mitigé, avec le retour des nuages, de la pluie, du vent et baisse des températures dans le nord. Ce matin, des pays de la Loire au Grand Est, c'est très nuageux. Un peu de crachin prévu en Bretagne et en Normandie, mais c'est surtout à l'est du bassin parisien jusqu'à la Lorraine que les pluies sont les plus soutenues. Des pluies orageuses qui vont s'intensifier au cours de la journée pour gagner la Bourgogne-Franche-Comté. Sur les côtes de la Manche, c'est le vent qui vous accompagne, vent du sud-ouest à 70 km/h jusqu'au Pas-de-Calais. Et cet après-midi, les rafales gagneront les frontières allemandes. Ailleurs, plus au sud, le ciel est assez voilé ce matin et il va le rester cet après-midi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'au pourtour méditerranéen. Cet après-midi, la tramontane soufflera aussi dans le golfe du Lion. Les températures maximales prévues aujourd'hui, 21 degrés à Lille, 23 à Paris. Vous voyez, il va faire moins chaud qu'hier dans le nord, puisqu'hier à Paris, il faisait 30. Baisse dans le nord, mais toujours de saison dans le sud. 33 prévus à Marseille, 33 aussi à Toulouse, jusqu'à 36 degrés par endroit en Provence. Et ce matin, le thermomètre affiche 14 degrés à Strasbourg, 17 à Rouen, 19 à Orléans, 16 à Bordeaux et 22 degrés à Nice. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Italie. 16h15, rugby top 14, UBB Montpellier. Suivi à 21h de Racing 92 Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 6h, toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Manifestement, la campagne présidentielle est lancée, bien lancée. Les candidats de la primaire à droite prennent tous la parole. Ce week-end, Marine Le Pen fait son retour et Emmanuel Macron s'exprime longuement dans le JDD ce matin. Trois bébés grands prématurés, contaminés. Que s'est-il passé dans le lactarium d'Île-de-France? Hier, il a suspendu la livraison de lait maternel aux hôpitaux. Et puis 2 semaines après la cérémonie de clôture des JO à Rio, place aux Jeux Paralympiques. Les athlètes français ont découvert vers les installations hier. Il est 6h01 sur RMC. Bonjour à tous. Marine Le Pen, superstar donc dans le tout petit village de Brachet. C'était hier que la patronne du Front National faisait sa rentrée. Discours, long discours devant près d'un millier de personnes en Haute-Marne. Jean-Baptiste Durand, Marine Le Pen est lancée. Un village reclus dans un cadre bucolique avec rassemblés sur la place de la mairie des militants plus convaincus que jamais devant une Marine Le Pen à la tribune combative. La bataille que nous allons mener est la plus belle des batailles. C'est la bataille pour la France. Le ton est donné pour cette campagne. Le Front National s'efface devant celle que les militants élèvent au rang de superstar. C'est vous embrasser. Angélique s'en remet à peine. Tremble, laisse tomber. Ah bah ça fait chaud au cœur. Hein. En tout cas, moi je souhaite qu'elle passe. Je croise les doigts. En tout cas, je vote Marine. Même volonté d'en découdre dans l'entourage de Marine Le Pen, Sophie Montel, députée européenne FN du Grand Est. C'est la rentrée politique habituelle. Mais cette année, elle est toute particulière parce que dans quelques mois, nous serons en élection présidentielle. Elle est encore plus intéressante que les autres. Un peu comme des chevaux dans les boxes, on attend qu'on nous libère. Dans les starting blocks pour défendre cette France apaisée, slogan que Marine Le Pen a détaillé à nouveau hier, à grand renfort d'expression guerrière. Le reportage de Jean-Baptiste Durand. Et à 8 mois de la présidentielle, quasiment tous les acteurs semblent vouloir se faire entendre ce week-end. Emmanuel Macron, par exemple, ne se déclare pas candidat ce matin dans le JDD, mais explique longuement sa stratégie. Faire naître l'envie, c'est l'ambition. Et le ministre démissionnaire prend déjà les réflexes du candidat, hein, critiquant Nicolas Sarkozy, cynique et à la vision rabougrie de la France. Emmanuel Macron qui n'épargne pas non plus François Hollande qui a fait beaucoup de choses à moitié, dit-il. Alors à droite, vous le savez, c'est à la boule que ça se passe ce week-end. Nicolas Sarkozy sera sur place pour clore les universités d'été des Républicains aujourd'hui. Hier, ses rivaux à la primaire se sont succédés au pupitre et le premier d'entre eux, Alain Juppé, a pris sa position préférée, celle du sage. Tout faire pour qu'elle soit l'occasion d'un débat et pas d'un pugilat. Un vrai débat et pas un mauvais pugilat. Je propose un code de bonne conduite très simple. Premièrement, pas d'attaque personnelle, et je crois ne pas en avoir proféré depuis longtemps. Deuxièmement, un scrutin transparent et incontestable. Et puis enfin, bien sûr, un engagement clair et définitif de chaque concurrent de soutenir celui qui, au soir du deuxième tour, sera le champion de la droite et du centre. Et c'est l'engagement que je prends devant vous. Voilà, Alain Juppé au micro de Stéphanie Collier. C'est l'un des principaux fournisseurs en lait maternel du pays et hier il a donc suspendu ses livraisons. Suspicion de contamination de ce lait issu de dons et stocké à l'hôpital Necker à Paris. Trois grands prématurés ont été contaminés, deux d'entre eux sont décédés. Cette suspension, c'est une première et ce n'est pas anodin selon Jean-Charles Picot, le président des Lactariums de France. Le lait maternel, il arrive que la maman n'en ait pas assez. Ce n'est pas rare que les enfants prématurés reçoivent du lait de lactarium. Le lait maternel, il est absolument essentiel pour la bonne santé des enfants prématurés. Et en gros, il réduit le risque de complications, notamment le risque d'infection, qui est moindre chez l'enfant qui reçoit du lait maternel. Par ailleurs, il y a une pathologie très spécifique de l'enfant prématuré, qui sont les problèmes digestifs. Leur tube digestif n'est pas encore prêt à digérer du lait, quel qu'il soit. Mais quand on leur donne du lait maternel, ce tube digestif y arrive. Jean-Charles Picot interrogé par Romain Cluzel. D'habitude, ce sont 2 millions de personnes qui se réunissent à Lille en ce premier week-end du mois de septembre, week-end de grande braderie cette année. Vous le savez, la menace d'attentat a poussé la ville à annuler l'événement, mais tente malgré tout de sauver la fête en quelque sorte. Pas de trottoir rempli d'objets en tout genre. À la place, les commerces font leur propre braderie à l'intérieur de leurs magasins en cassant les prix. Et les restaurateurs ont, eux, fait le plein de moules frites, Lionel Top. S'il y a tout de même du monde dans les rues de Lille ou sur la Grand Place, on est très loin de l'effervescence habituelle qui règne chaque premier week-end de septembre. En fait, comme chaque rentrée, on vient à la braderie, ça signe un peu le début de l'année. Et là, par rapport aux autres années, il y a quand même du monde, mais c'est incomparable. Il n'y a pas grand monde, c'est dommage. Les bradeux, tout le monde, toute l'effervescence, toute l'émotion, tout ce que ça peut représenter, c'est pas là. Le monde est là, mais c'est pas la même ambiance. Mais Lille reste en fait, malgré tout, c'est le credo de la mairie. Les commerçants jouent le jeu, ils ont cassé les prix dans la boutique de Cathy, par exemple. Les t-shirts à 39€ sont vendus 7€, mais les touristes ne sont pas là. C'est surtout quand même une clientèle attitrée qui nous connaît depuis un moment, donc ça reste quand même, je pense, aujourd'hui plus une fête locale qu'une fête plus européenne, comme d'habitude. C'est plus confidentiel. Cathy estime la baisse de son chiffre d'affaires à 50% par rapport à l'an dernier. Les Lillois et les commerçants espèrent retrouver leur vraie braderie dès l'année prochaine. Le reportage à Lille de Lionel Top, la sainte des bidonvilles de Calcutta, c'est l'un de ses surnoms, Mère Teresa, sera canonisée aujourd'hui. 100 000 personnes attendues pour l'occasion sur la place Saint-Pierre au Vatican. Prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa, aussi appelée Mère sans frontières, a consacré sa vie au service des plus pauvres et des plus démunis en Inde, principalement. Les plus démunis, les plus fragiles, c'est aussi pour répondre à leur souffrance que l'église ouvre ce week-end d'une maison de réinsertion en Seine-et-Marne. Les personnes visées, les prostituées, notamment celles du Bois de Boulogne. Jean-Michel est l'un des bénévoles qui sera mobilisé dans cette maison. Ce que permet la maison, c'est, je crois, d'abord une amitié, de reconnaître ces personnes qui sont dans le bois comme des personnes et de leur apporter un échange amical, pas du tout supérieur à « bah tiens, je vais te sauver parce que t'es dans le ruisseau ». Ça n'a rien à voir, on est amis avec elles. Après ça, il y a tout le travail que ces personnes pourront faire sur elles-mêmes en trois temps. Premier temps, c'est se stabiliser, se poser, se refaire une santé. Le deuxième temps, c'est participer aux travaux de la maison. Et puis le troisième temps, c'est un temps de réinsertion professionnelle, donc avec les organismes sociaux. L'objectif à terme, c'est quand même qu'elle trouve un travail. Et témoignage au micro de Claire Checaglini, 6h06 sur RMC. Et de nouveaux Jeux Olympiques qui débutent, ce sera dans 3 jours à Rio, bien sûr toujours les Jeux Paralympiques, une semaine et demie de compétition consacrée aux handicapés. Et hier, la délégation française a découvert le village paralympique. Mélanie Ferreira. L'installation a commencé par une fête de bienvenue pour la délégation française sur des rythmes brésiliens et tout le monde danse, même les athlètes. Un accueil très apprécié par Jean-Claude Revert, le chef de mission du comité paralympique. J'ai participé à 9 Jeux paralympiques et c'est la première fois que je vois une participation aussi chaleureuse. La ferveur populaire des Brésiliens qui sont impliqués dans l'organisation compense complètement les petites imperfections. C'est des robinets qui ferment mal, c'est des portes qui ne sont pas forcément bien ajustées, etc. Mais c'est des petits détails. Pas de quoi contrarier Michael Jérémiaz, le porte-drapeau de la délégation française. Et puis justement, bah, c'est comme partout quand on arrive dans un nouvel endroit, se repérer et tout. Mais demander à tous les athlètes de la délégation et au staff, on est bien. Pas de crise au village paralympique, donc, malgré les difficultés financières des organisateurs. À 3 jours du début des Jeux, l'équipe de France est rassurée. Voilà le reportage à Rio de Mélanie Ferreira. Le rugby, 3e journée de top 14. Et le classement à l'issue des matchs d'hier est assez surprenant. Brive, leader, La Rochelle, 2e. Brive qui a réussi l'exploit d'aller battre Toulon chez lui. Hier, défaite varoise que ne digère pas vraiment l'entraîneur Diego Dominguez. Quand tu fais tomber 60 ballons, t'entends pas trop d'explications. T'étais nul. C'est le match qu'il fallait pas perdre du tout. Et on le perd. Je pense que quand ils vont voir la vidéo, même pas eux, ils vont pas croire la chose qu'ils vont voir. Hein. C'est pas leur niveau. Leur niveau, il est beaucoup, beaucoup plus haut. Mais aujourd'hui, c'était une journée non. Voilà. Maintenant, il faut s'en sortir. Et puis le football et l'équipe de France qui testait hier sa popularité à Clairefontaine. Entraînement ouvert au public et c'est une certitude, il est loin le temps de Nice-Na. Ovation, selfie, autographe, Olivier Giroud ressent un véritable engouement depuis l'Euro. Tout le monde me disait bravo, merci, félicitations. Bon après il y avait toujours le même si, 3 petits points. Mais non, on a rendu fiers les Français et ça nous rend par la suite bien sûr fiers de ce qu'on a réalisé. On en est conscient et c'est bien d'avoir le soutien populaire. On a besoin de ça, on a besoin d'une France qui nous supporte. Voilà Olivier Giroud, le prochain match de l'équipe de France, préparation, en tout cas qualification, match de qualification pour la Coupe du Monde 2018, ce sera mardi face à la Biélorussie. François Sorel, 6h09. Bonjour Thomas. Tout va bien? Oui, tout va très très bien et on se retrouve donc pour le tiers écarté Quintet Plus de cet après-midi. Voici les pronostics de la Dream Team. Sébastien Larras fait confiance au 15 Uniflosa Bella et au 11 Akido. Brahim Asloum pense que le 5 Vanderlove a ses chances. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 17 Tagada Tagada. Et le 9 Univers de Dédou. Le 15, le 11, le 5, le 17 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h10, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Excellent dimanche et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve en ce dimanche 4 septembre 2016. Bonne rentrée aussi à vous toutes et à vous tous. Si voilà, ça commence peut-être demain lundi. Sachez que jusqu'à 10h, eh bien voilà, ça y est, c'est la rentrée hein, pour les experts du week-end depuis la semaine dernière. On est là avec tout à l'heure Jean-Luc Moreau qui sera à mes côtés pour l'automobile. 2 heures dédiées à l'auto. Avec Jean-Luc, on s'intéressera à la Kia Optima FEV qui est une hybride rechargeable signée Kia. Il l'a testé ce véhicule, il nous dira ce qu'il en pense. On évoquera aussi les avantages et les inconvénients de la carte grise de collection. Et puis, on évoquera aussi le contrôle technique. Vous allez voir, il va évoluer ce contrôle technique, notamment concernant les normes de pollution. On rentrera dans les détails tout à l'heure avec Jean-Luc Porot. Et puis on s'intéressera à l'actualité, on va dire, automobile de cette semaine avec automoto.com. Ça sera à partir de 8h. Et puis bien sûr, toutes vos questions auto au 32-16. Mais dans l'immédiat, elle est à mes côtés. C'est toujours un énorme plaisir que de débuter mon dimanche en sa compagnie. Ça fait quelques années maintenant. Hein. J'ose même plus calculer. C'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. Non, il ne faut plus calculer. Non, il ne faut plus. Ça nous fait vieillir quand même. Un peu. Alors attendez, pour info, c'était janvier 2002. Voilà. 2002. Et voilà, donc nous sommes en 2016. Ben, vous avez calculé tout, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, Laetitia, donc notre veto qui est là et qui pendant 2 heures répond à toutes vos questions animaux. Dès maintenant, vous pouvez l'appeler. Et nous allons retrouver vos questions dans un instant. Notre quiz de la vie privée des animaux tout à l'heure, Laetitia. Et puis on évoquera les abandons des animaux à partir de 7h. Eh oui, vous savez que la rentrée... Les chiffres ont été mauvais cette année. Oui, bah oui, c'est l'heure des bilans. Et c'est vrai que, alors bon, on sait que l'été, il y a une recrudescence des abandons. Mais cet été a été vraiment très mauvais. Voilà, on a une hausse de 20 à 30% des abandons. Par rapport à l'année dernière, ce qui est vraiment, ils n'ont jamais vu ça. Est-ce que c'est lié à la nouvelle législation concernant la vente des chiens et des chats? On en parlera justement avec le directeur d'un refuge, celui de la SPA de Marseille. Voilà, on ira aussi au secours. secours des poissons rouges, oui, avec l'aquarium de Paris qui va à la rescousse des poissons rouges. Et oui, il est devenu, cet aquarium, qui est un aquarium comme d'autres aquariums, oui, en France, est devenu d'ailleurs un refuge pour poissons rouges. Pourquoi? Ben parce que beaucoup de personnes prennent des poissons rouges ou gagnent des poissons rouges dans des foires foraines, oui, malheureusement, et le mettent dans un bocal, alors qu'il ne faut pas le mettre dans un bocal, puisque il a besoin de 50 à 100 litres d'eau, c'est-à-dire un grand aquarium. Et du coup, ces personnes qui s'aperçoivent qu'ils ont fait une mauvaise action, abandonnent le poisson rouge à l'aquarium de Paris. Donc, ah oui, ils le ramènent à l'aquarium. Voilà, en fait. Le confie, en oui, tout le cas, l'abandonne pas, le confie à cet aquarium pour qu'il ait un peu plus d'espace pour vivre. Et nous en parlerons justement avec un soigneur de cet aquarium, oui, et aussi le témoignage d'une personne qui s'est rendu compte qu'elle avait un poisson rouge dans de mauvaises conditions. Voilà, on parlera aussi du blues de la rentrée. C'est pas que pour nous, c'est aussi pour les animaux. Et oui, ils nous ont suivis tout l'été. Et puis, eux aussi, c'est leur rentrée. Ils peuvent déprimer. Voilà. Alors, que faire pour éviter que nos animaux dépriment à la rentrée? Voilà, et puis on découvrira un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces, hein, Laetitia. Voilà, il s'agit du bioparc de Douai-la-Fontaine. C'est près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et nous parlerons justement des actions qu'ils font dans la nature pour sauvegarder les animaux. Voilà, vous savez tout concernant le contenu de ce rendez-vous unique. Hein. Nous sommes les seuls à vous proposer 2 heures dédiées aux animaux. C'est exclusif RMC, c'est chaque dimanche 6h, 8h. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence tout de suite par vos questions au 3216. Vous pouvez aussi nous joindre par mail animaux@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hervé. Welcome, bonjour Hervé. Lucia, bonjour. voilà, ma question. J'ai mon fils. J'ai deux Kamekin Charles. J'ai Gala qui a 4 ans, qui est un peu mémère, tranquille, princesse. J'ai un autre Kamekin Charles qui s'appelle Jumpy, qui est un peu speed, qui a 2 ans. Et j'ai mon fils, qui est très proche de mon fils. Mon fils doit partir sur Paris faire des études. Et on se demandait s'il n'allait pas perturber le chien de suivre mon fils ou pas. Parce qu'il est un peu stressé. En plus, c'est un chien qui est un peu stressé. Et un peu comme moi d'ailleurs. Oh mais non, attendez. Vous savez que Paris est une ville stressante quand même. Paris est une ville, c'est pas Paris même, c'est la région parisienne, c'est à 50 km au sud de Paris. Mm-hmm. Il va vivre chez ma mère, chez sa grand-mère pendant 4 ans. Et c'est vrai que mon Kamekin Charles est très proche de mon fils et c'est réciproque. Et on se demandait si ça allait pas perturber le chien, soit de changer de région d'un seul coup comme ça, ou de rester avec nous. C'est pas trop quel ton pour le chien en fait. Est-ce que les deux chiens s'entendent bien? Ah la merveille, ils dorment pas ensemble la nuit parce que le petit dort avec mon fils, mais la journée, oui, ils se font beaucoup, beaucoup de câlins, ils jouent le temps ensemble, enfin. Voilà. Ça c'est vrai que c'est un choix difficile parce que ces deux chiens s'entendent bien. Alors c'est comme deux copains de classe que l'on sépare, vous voyez, hein, c'est un peu la rentrée, puis ils sont pas dans la même classe et ils se voient plus. C'est vrai que ça va être un peu douloureux pour les deux chiens. Après, si le mâle a une relation forte avec votre fils, pourquoi pas? Mais ça dépend bien entendu des conditions de vie que va avoir ce cavalier King Charles. C'est-à-dire c'est pas tant le fait de changer d'environnement qui va le perturber, c'est plutôt de se retrouver dans un environnement où il aura moins de stimulation, moins d'activité que les activités qu'il a aujourd'hui avec l'autre chienne, parce que il a ses rituels, il a ses sorties avec l'autre chienne. Enfin, je sais pas si vous êtes en maison avec jardin, par exemple. Oui, on est en jardin, en maison. Bon, il sera aussi en jardin-maison. Sa grand-mère, il y a aussi un jardin-maison. Bon, faut savoir que mon fils va partir quand même toute la journée à l'école, il va travailler un peu en même temps. Voilà, il va faire des études, donc voilà. Ça va être très prenant. Enfin, je sais pas ce qu'il fait comme études, mais c'est de toute façon très prenant. Il va être toute la journée à l'école et il va voir son chien le matin et le soir. Le matin, il va le voir 5 minutes, le temps de s'habiller, oui, d'aller en classe. Et le soir, bon, il va le sortir, mais il va revenir à ses études. Donc, il faut vraiment... il faut voir aussi du côté du chien. C'est-à-dire que le chien va être avec son maître, il va être super content, mais il va être avec son maître que le matin et le soir. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il est avec vous, il est avec l'autre chienne, il est dans un environnement qu'il connaît. Donc, est-ce que votre fils aura assez de temps pour bien s'en occuper de son chien? Je comprends qu'il veuille emmener son chien comme ça, avec lui. Enfin, il quitte la région, il part à 900 km, mais on est dans le sud, donc il va se retrouver un peu seul. Bon, il y a sa grand-mère, sa sœur, mais bon, il va se retrouver quand même un peu seul. C'est pour ça qu'on se demandait s'il pouvait pas l'emmener pour un peu, Oui, mais ça il faut penser au chien. Il faut penser au chien aussi. Voilà. Mm-hmm. Alors, si ce chien est dans la journée avec une autre personne qui le sort régulièrement, etc., comme sa grand-mère ou sa sœur, je sais pas. pourquoi pas. Mais je trouve que c'est beaucoup de changements pour le chien, alors que votre fils va pas en profiter au maximum, voyez. Alors que j'imagine quand même que votre fils va revenir le week-end vous voir, peut-être, enfin je sais pas. Ouais, de temps en temps, parce que c'est à 900 km. Ouais, 900 km, ça sera pas tous les week-ends. C'est pas tous les week-ends, ouais, forcément, là. Ouais. Voilà. Hervé, je peux pas choisir pour vous, mais c'est vrai qu'il faut voir du côté du chien, est-ce qu'il aura la même vie là-bas qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire cette vie remplie avec ses sorties, avec l'autre chienne qui fait partie de sa vie quelque part aussi, même si elle est un peu pépère et qu'elle joue pas forcément tout le temps, la vie qui sera... Alors peut-être qu'il aura une autre vie avec votre fils et que ça sera très enrichissant, mais est-ce que ça sera vraiment enrichissant avec votre fils si votre fils n'est pas là de la journée? C'est ça qui me pose la question. Voilà. En plus, penser à un chien qui est quand même assez stressé, il faut toujours qu'il ronge un os en plastique, enfin il est très stressé, c'est un chien qui est assez stressé, qui a toujours été stressé. Le fait d'être seul dans la journée, enfin je sais pas s'il sera avec votre avec la grand-mère de votre fils ou pas, mais voilà. Le fait d'être seul dans la journée, il supporte pas être seul. En plus. Ouais, il aime pas trop. Non, mais alors c'est compliqué là. Hein. Alors c'est un chien qui a besoin d'activité, qui a besoin de se défouler. Il faut vraiment que votre fils se rende compte de ça. S'il peut faire en sorte que dans la journée, le midi, le sorte, il le défoule, etc. Oui, mais s'il ne peut pas. Non, parce qu'il y a déjà, voilà. Voilà, vous avez presque répondu à mes questions, Hervé, en décrivant ce chien. C'est un chien qui est stressé, qui a besoin de... Un chien stressé, il a besoin de se dégourdir les pattes, il a besoin de courir, il a besoin de... Voilà, de trouver des activités. Il adore jouer, il fait de la gymnastique, enfin, il adore jouer, il adore courir. Et il a besoin, en plus, d'un environnement calme et apaisant. Je pense que la chienne l'apaise. Donc là, Hervé, c'est... Alors, ça, je comprends c'est compliqué, votre fils, comme mais... situation, voilà. C'est sûr. Ou alors peut-être chez votre grand-mère prendre un chat, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Comme ça, voilà. Dans la journée, il sera avec la grand-mère et puis le soir, il retrouvera son chat. Voilà, comme ça, il pourra lui faire des petits câlins. Merci en tout cas, Hervé, pour votre appel. Bon courage. Parce que là, c'est vrai que la rentrée. Ça va être un peu compliqué. Bah, écoutez, c'est la vie, hein. C'est comme ça. 6h20, on revient dans un instant sur RMC. Laetitia, on va retrouver notre quiz de la vie privée des animaux et on enchaîne, tout comme Hervé, avec d'autres questions. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Le 3216, animaux@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC. Ce week-end, les Formule 1 sont sur les terres de Ferrari à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Cet après-midi, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà, 6h21, le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, c'est Laurence que nous allons accueillir au 3216. Laurence qui va nous parler de son chihuahua. Vous connaissez un petit peu les chihuahuas, la tia-tia, non? Oui, un petit peu. Ça me dit quelque chose. Hein? Ça me dit quelque chose. Allez, on en parle dans un instant. Mais auparavant, les amis, c'est notre quiz de la vie privée des animaux, comme chaque dimanche matin. Et je vais vous emmener en Suisse. Une chose qui est arrivée, qui est incroyable. À un vacancier qui randonnait dans la montagne, tout seul. Alors, un Suisse qui randonnait tout seul. Un vacancier. D'accord. Qui était en Suisse, donc dans la montagne suisse, hein, et il randonnait tout seul. Et il a fait une drôle de rencontre. Il a rencontré un chat noir et blanc. Un chat noir et blanc. Qui a eu un comportement particulier, lequel? Donc, un vacancier qui se baladait comme ça, il rencontre un chat noir et blanc, et il se passe un truc bizarre. Voilà. Alors, j'ai trois propositions, comme d'habitude. Le chat l'a guidé sur le bon chemin. Ah oui, parce qu'il était perdu. Le chat l'a guidé jusqu'à une source d'eau. Ah oui, parce qu'il avait soif. Ou le chat l'a guidé jusqu'à une brebis blessée. Ah oui, parce qu'il avait faim. Non. Alors, bien sûr, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, la tia-tia. Vous êtes allé la... trifouiller dans les fins fonds du web, visiblement. Écoutez, je ne sais pas. Donc, si vous voulez m'aider, comme d'habitude, animaux@rmc.fr. Je crois qu'est-ce qu'a fait ce chat, donc, lorsqu'il a croisé ce vacancier en pleine montagne? Dites-le-moi, animaux@rmc.fr, la réponse à ce quiz dans quelques minutes. Mais auparavant, c'est Laurence que nous accueillons. Bonjour Laurence. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, je vous expose mon petit souci. Voilà, il y a quelques semaines, donc j'habite au Bourget-du-Lac en Savoie. Oui. Nous avons été envahis de chenilles, dites spirales du buis. Oui. Ah, c'est intéressant parce qu'on en parlait hier avec Patrick Mulan. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est pas spirale, c'est pirale. C'est la pirale du buis. Oui, oui, oui. Qui est un vrai fléau pour le buis qui voilà, décime. Une espèce envahissante qui vient de Chine. Oui. Voilà. Et donc, en ce moment, bah, nous avons donc les papillons. Ah, bah donc, oui. C'est des papillons de nuit. De nuit, voilà. Et donc, le soir et le matin, quand je sors mon gros chihuahua, on va dire, puisqu'il fait 5 kilos, Lino. Ah, oh, il dépasse les normes, là, votre chihuahua. Il dépasse les normes. C'est plus un chihuahua. Voilà. Donc, il s'amuse à courir après les papillons et ben à oui. les manger. Ah. Donc, moi, je voulais savoir si ces papillons étaient nocifs pour la santé du chien. J'évite, hein, j'essaye de le tenir maintenant en laisse quand je le sors parce que... Est-ce qu'il a des nausées, des vomissements non, après? Non, rien du tout. Bon. Jusqu'à maintenant, rien du tout, mais bon. Bon, rassurez-vous, mais c'est vrai que c'est une question à se poser, c'est vrai. D'abord parce que, bah, c'est vrai, d'abord ce sont des papillons, comme j'ai dit, des envahissants. Mmh. Hein, ils viennent de Chine, ils sont venus début des années 2000, sûrement bah, par un transporteur ou... en tout cas, c'est vrai qu'on enfin, je pense que Patrick en a parlé hier. Ils ont envahi un petit peu l'Europe et ils s'attaquent au buis. Voilà. Alors, déjà, la chenille n'est pas urticante, ce qui est déjà bien. Oui, donc oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de la toxicité des papillons. Et vous savez qu'il y a des papillons qui sont toxiques. Voilà. Alors, souvent, les papillons qui sont toxiques ont des couleurs vives. Alors, pourquoi ils ont des couleurs vives? C'est pour avertir les potentiels prédateurs qu'ils sont toxiques. Vous savez, c'est un peu comme la coccinelle. Oui, vous savez oui. que la coccinelle est rouge. Eh ben, elle est rouge, c'est justement parce qu'elle est toxique. C'est comme si elle avait un panneau de signalisation oui, sur elle, en fait. Attention, les gars. Attention. Alors, c'est marrant parce que dans la nature est bien faite. Il y a des papillons qui ont des couleurs colorées pour ressembler aux papillons toxiques. Mais qui ne sont pas toxiques. Mais qui ne sont pas toxiques. Ils sont malins, ceux-là. Ils sont malins, hein. Ils sont malins. Et, mais il y a des papillons. Alors, vous savez que les papillons de la pyrale du buis sont des papillons qui sont blancs, blanc crème, enfin, plutôt clair ou un petit peu. Enfin, ils n'ont pas des belles couleurs, quoi. C'est des papillons de nuit, mais pas. Il y a des papillons de nuit qui ont très belles couleurs, mais ils ne sont pas très jolis, quand même, hein. Et ils ne sont pas toxiques, vous inquiétez pas. Mais il existe, parce que je suis allée en Guyane et j'ai vu des papillons de nuit qui étaient crème qui eux ont des poils urticants. Ouais. Quand on les touche, alors même nous quand on les touche, ça nous donne des petits boutons qui restent pendant une semaine, voyez. Donc mais vous inquiétez pas, les pyrales de nuit du buis pardon, oui, hein, oui. qui sont des papillons de nuit ne sont pas d'accord. toxiques. Donc ne vous inquiétez pas, mais faites attention quand même aux papillons qui sont un peu plus colorés parce que moi je vois beaucoup de chats, de chiens qui coursent les papillons, surtout les papillons qui sont dans les rouges, là faites attention parce que alors c'est pas très grave non plus, ça leur donne, ça irrite l'estomac, ça les fait vomir, mais bon, ouais. faites attention aussi, ça peut être toxique, mais pas, voilà, ne vous inquiétez pas. Par exemple, au Canada, vous avez les monarques, vous savez, ces grands papillons rouges. Ah oui, qui sont magnifiques. Ils sont toxiques. Eh ben, ils sont toxiques aussi. Faut faire attention, ouais. surtout, moi je fais attention surtout aux reptiles d'accord. qui peuvent manger certains papillons qui rentrent dans leur terrarium, et là ça peut être toxique, faut d'accord. faire attention. Voilà Laurence. Voilà, ne vous inquiétez pas Laurence. Donc pas de soucis. Voilà, le chihuahua peut évoluer tranquillement. Il y a aussi le charançon, vous savez, ce papillon qui s'attaque au palmier en Méditerranée. Oh là, oui, ben je sais. Je sais. Et c'est un magnifique super papillon. Oui, mais il tue les palmiers. Mais il tue les palmiers. Oui, je sais, j'en ai vu. En quelques semaines, c'est incroyable. Ah oui, mais il est magnifique. Il est grand. Oui, oui. Il est magnifique et on le voit voler près des palmiers. Et en fait, c'est sa larve, bien évidemment, oui. qui attaque les palmiers, qui mange tout l'intérieur du tronc du palmier et qui le tue. Et c'est un grand problème. Laetitia, merci en tout cas, Laurence, pour votre appel. Vous voilà rassurée. La météo, les infos de 6h30. Et on revient avec vos questions animaux, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.

vous pouvez joindre en direct notre vétérinaire dès maintenant, le 3216 ou animaux@rmc.fr. Et on salue tous ceux qui viennent de se réveiller. Bienvenue chez nous. Laetitia, bien réveillée? Oui, tout va bien. Tout va bien. Ça va. Bon, notre quiz dans un instant, mais auparavant, c'est Marcel que nous accueillons. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Laetitia. Bon, Laetitia. Oui. C'est mieux. C'est mieux. Oui, moi c'est ma question, c'est j'ai récupéré deux petits chats. Oui. Ils sont nés dans les fusains et ils sont sauvages comme tout. Eh oui. Et c'est les chats qu'ils ont deux mois. Alors je donne à manger tous les jours, ils donnent à boire, ils viennent, mais quand ils me voient, ils s'en vont. Ah, et vous voulez les apprivoiser? Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les apprivoiser. Alors ça va être difficile parce qu'en plus ils sont dehors, mais vous savez, ils sont pas socialisés à l'homme, donc il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour qu'ils se laissent approcher. C'est-à-dire que demain matin ils vont pas se laisser approcher, porter, ronronner dans les bras, hein, ça c'est sûr. Ils auront toujours cette crainte de l'homme parce qu'ils sont nés dehors, ils n'ont pas eu le contact avec l'homme tout petit. La mère est sûrement une sauvageonne, donc elle leur a aussi enseigné à se méfier de l'homme, mais en même temps. Comme tout chat errant, ils savent très bien que l'homme est égal à nourriture. Donc, ils s'approchent pour manger. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait toujours des rituels autour de l'alimentation. C'est-à-dire, les rituels, c'est donner à manger toujours à la même heure chaque jour, matin et soir. Leur parler doucement. La voix, l'intonation, les gestes, faire attention, faire des gestes doux pour qu'ils ne soient pas apeurés, parce que chaque geste brusque, chaque voix aussi qui est forte les apeure. Donc il faut vraiment qu'ils prennent confiance en vous et qu'ils se laissent approcher petit à petit. Et puis essayez de jouer avec eux. Vous prenez une petite baguette. Et puis après qu'ils aient mangé, et ben vous essayez de jouer avec eux. Le fait de jouer, ça va aussi enlever une partie de leur peur, puisqu'ils vont associer cette rencontre avec vous à quelque chose de bien, de joyeux, et ils vont vous faire confiance. Ce qu'il faut, c'est gagner leur confiance. Alors ça va prendre des jours, ça va prendre des semaines. Faut le savoir, Marcène. Mais ça peut, au bout de quelques semaines, ils peuvent se laisser au début un petit peu caressé, en tout cas touché, pas forcément porté, et puis ils peuvent devenir des chats qui sont vos chats, quoi. Voilà, des chats qui vont se frotter à vous, qui vont pas forcément rentrer chez vous, parce que là c'est encore une autre étape, hein. Ils peuvent avoir peur d'être enfermés, mais pourquoi pas, il y a des chatons comme ça qui à un moment rentrent chez vous et puis deviennent des chats familiers. Alors faut savoir aussi une chose, c'est que quand des chats sauvageons donnent leur confiance à une personne, ils ont du mal à donner la confiance à d'autres personnes. Ça, c'est encore une autre étape. Ils peuvent être farouches avec d'autres personnes qui vont venir vous voir. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va venir, le facteur ou une personne que vous connaissez, pof, ils vont partir. Mais Marcel, ça va mettre un certain temps, ça va mettre plusieurs semaines. Il faut que voilà, vous ayez des rituels comme ça tous les jours, leur donner à manger à la même heure, leur parler doucement, très doucement. Oui, oui. Et, oui, et essayer de jouer avec eux avec une petite baguette. Oui, mais je suis dans la manger. Mais vous savez, je suis dans la manger, ils viennent manger. Mais quand madame, je commence à sortir pour les voir, vite, ils ne vont plus. C'est normal, c'est normal. Il faut les rassurer. Donc il faut vraiment, faut pas les presser. Faut que eux-mêmes viennent petit à petit. Alors après il y a des chatons qui ne viendront jamais au contact de l'homme. Voilà. Alors voilà, vous savez pas entre les deux. Peut-être qu'il y en a un qui sera plus hardi qu'un autre. Alors il y en a un qui est joli parce qu'il est blanc, comme les tigres. Il est blanc et rayé de noir. Ouais. Alors, il est magnifique. Alors celui-là, il s'approche, mais quand je commence à lui appeler, pouf, je ne le vois plus. Et il part dans les fusains. Ah oui. Mais vous inquiétez pas, Marcel. Il faut vraiment faut gagner leur confiance. C'est comme vous dites, ce sont des petits sauvageons, ça va mettre un certain temps. Nous, des fois, on en récupère en clinique vétérinaire, on met plusieurs jours, alors on les met dans une grande cage, etc. Mais c'est des vrais sauvageons, c'est-à-dire qu'ils nous sauteraient presque dessus. Et petit à petit, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, l'homme est bienveillant parce qu'il leur donne à manger, qu'il leur arrive rien, qu'on les bat pas, que voilà. Et ils prennent petit à petit confiance en l'homme. Alors nous, ce que l'on donne, nous vétérinaires, souvent c'est un médicament qui est de la caséine de lait modifié, qui est un anxiolytique et qui permet justement une bonne socialisation du chaton à l'homme. Vous demandez à votre vétérinaire, c'est vous lui demandez du lait modifié, c'est un anxiolytique naturel, complètement naturel. C'est à base de cette protéine de lait qui a été modifiée et qui diminue l'anxiété du chaton face à l'homme. Merci Marcel. Alors voilà. Appel. Patience. Mais peut-être que ce petit noir et blanc va justement vouloir des caresses et puis se rapprocher de vous. 6h38. Laetitia, dans un instant, nous allons avoir Monique au téléphone. Elle a un chien qui mange des couvertures. Donc elle se dit que c'est pas normal. Donc elle a le réflexe de vous appeler. On va retrouver Monique dans une petite minute. Mais auparavant, bien sûr, notre quiz de la vie privée des animaux, Laetitia. Et si vous êtes gentille, Laetitia, après, moi je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée cette semaine et qui met en scène un japonais et un ours. D'accord. Alors moi, je vais vous parler d'une histoire qui met en scène un randonneur et un chat. Voilà, c'est un peu plus basique. C'est un peu plus basique. Voilà, je vous plante un petit peu le décor. Vous êtes en Suisse, vous randonnez tout seul. Oui. Bon, ce qui n'est pas non plus conseillé. Oui, c'est pas conseillé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Et justement, vous croisez un chat noir et blanc sur votre chemin qui a un comportement particulier. Que fait ce chat ? Soit il vous guide sur le bon chemin, justement, soit il vous guide vers une source d'eau pour vous abreuver, soit il vous guide vers une brebis égarée pour la sauver. Nous sommes tous des brebis égarées, Laetitia. Brebis blessées, pardon. Écoutez, j'ai pas mal d'auditeurs qui me donnent quelques petites réponses. Et nous avons par exemple Sébastien, Tamara, qui me disent qu'ils pensent à la première solution. C'est-à-dire que le chat a permis à ce randonneur qui s'était un peu perdu de retrouver son chemin. Pascal aussi nous dit ça, Laetitia. Donc je vais valider la première réponse. Donc grâce à ce chat, il a retrouvé son chemin. Puis c'est mignon, puis voilà. C'est un chat GPS. Donc vous validez pour le chat GPS. Oui, Laetitia. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et vous avez raison. Et j'ai raison, ouais. Alors ce chat qui n'a pas de nom, si vous voulez, ce vacancier, en fin de compte, était perdu, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, il avait une carte. Et cette carte le faisait passer par un sentier qui était fermé. Oui. Il ne pouvait pas passer. Donc il savait pas du tout où aller. Il est arrivé dans un village abandonné et il savait plus où il était. Et il croise, et en plus il s'était blessé à la cheville. Enfin bon, il avait tout pour lui. Et il croise la route d'un chat noir et blanc qui le regarde, qui s'arrête devant lui et qui repart dans un sens. Donc il se dit qu'est-ce qu'il a? Il le suit et il l'a guidé sur un chemin, et à chaque fois, le chat s'arrêtait et regardait en arrière pour voir si le randonneur le suivait. Et il l'a amené jusqu'au village, le plus proche du village, où il l'a laissé, bien sûr. Ce qui est étonnant, ce qui est d'autant plus étonnant que ce n'est pas la première fois que ce chat fait ça. C'est-à-dire que le randonneur a mis la vidéo et les photos Facebook, et d'autres personnes lui ont dit mais nous aussi, il est venu, il nous a aidé. Il nous a aidé, ce chat, il nous a accompagné jusqu'au village. C'est vraiment un chat village. GPS. Voilà, c'est mignon, le chat. Voilà, c'est un chat guide. Alors il l'a pas payé en croquettes, ce qui est quand même pas normal, non mais voilà. Donc voilà, si vous partez en randonnée en Suisse, si vous croisez un chat, prenez votre sachet de croquettes. Voilà. Voilà, pour récompenser votre guide, quand même. Bon, Laetitia, une autre petite histoire que j'ai pu lire sur bfmtv.com. C'est arrivé le 1er septembre dernier. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cette histoire. C'est un Japonais qui est parti à la montagne pour aller pêcher, en fait, dans un torrent. Donc, il était là en train de pêcher. Puis, tout d'un coup, il se retourne et il voit un ours d'1m90 qui était en face de lui. Et là, il a eu le temps de le mesurer. À peu près, il disait, parce que j'imagine que, voilà, il a eu le temps de mesurer, bouge pas Coco, je te mesure, etc. Sauf que l'ours l'a attaqué. Il a commencé à le mordre, donc à mordre ce pauvre pêcheur, un pêcheur de 63 ans, donc voilà, qui était quand même assez âgé. Il a mordu à la jambe, etc. Et vous savez ce que le pêcheur a fait au lieu de partir, de s'enfuir? C'était un pro du karaté. Il a fait une prise de karaté à l'ours. J'ai lu ça. Et il lui a fait une prise de karaté dans l'œil. Et l'ours a dû avoir mal et est parti sans demander son reste. Et donc le pêcheur a réussi à retourner à son véhicule. Il a même eu le temps de récupérer les poissons qu'il avait pêchés. D'accord. Et la marmotte, bien sûr, mais le chocolat dans le papier. Exactement. Voilà. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si cette histoire est, si vous la validez, Laetitia, mais c'est quand même assez fort. Bon, 6h42, on revient dans un instant avec Monique qui nous parlera de son chien qui mange de la couverture, Laetitia. Ça va être embêtant parce que bientôt c'est l'hiver, on va avoir froid. Le 3216 animaux@rmc.fr, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Demain, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous demain dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot, demain à 15h dans 100% Bachelot sur RMC. Et si on parlait Renault Service ? Ah, Natacha, c'est pas de chance ce pneu crevé. Hein. En pleine campagne en plus. Heureusement, il y a une jolie petite auberge là-bas. Pipo, pardon. Bien essayé, le coup du pneu crevé, mais chez Renault Service, avec votre révision, vous avez un pack assistance inclus pendant un an. Ah, super. Une crevaison ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Bon Laetitia, j'étais en train de penser à cette histoire d'ours là et de pêcheurs japonais. Si vous croisez un ours, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, il faut croiser un ours en France, c'est pas évident, parce qu'on les cherche, les ours, dans les Pyrénées, ouais, quand même. Vrai. Mais admettons, vous croisez un ours dans les Pyrénées, vous partez, vous lui faites une prise de karaté. Voilà, bah oui, si vous voulez. Voyons. J'imagine Laetitia, en train de faire une prise de karaté à l'ours. Non, vous lui laissez votre goûter, voilà, ouais. Parce que bien souvent, il est plus intéressé par ce que vous savez que les autorités japonaises disent qu'il faut accrocher, en fait, une petite sonnette, une petite cloche, un sac à dos, parce que le bruit de la clochette fait fuir en fait tous ces animaux sauvages, visiblement. j'ai pas trop testé. Donc la prochaine fois que vous partez dans les Pyrénées, la petite clochette, et Laetitia. Et la marmotte en bas, le chocolat. C'est ça. Monique est avec nous. Bonjour Monique. Oui, bonjour Laetitia. Bonjour François. Bonjour Monique. Bonjour. Oui, bien voilà, mon chien que j'ai adopté il y a maintenant 6 mois, qui a 2 ans. C'est bien. Donc, il est adorable. Mais alors, j'ai trouvé, au bout de quelques semaines où il était à la maison, il enroulait son petit plaid que j'avais mis sur son coussin entre ses pattes. Enfin, ça, c'est très, très mignon. Enfin, je me suis dit, tiens, il fait comme un bébé, il veut son doudou. Hein. Oui. Il l'enroulait autour de ses pattes et puis il mettait sa tête dessus. C'était franchement adorable. Et puis au bout d'un certain temps, et bien maintenant le plaid, il le déchire. Mais vraiment, tous les jours, il déchire un petit morceau de plaid. Alors je me demande à quoi c'est dû ce comportement. Alors, deux questions. D'abord, quelle est sa race ? Alors, il est... comment dire ? Oui, il est jeune. C'est un brat mélangé pointer. Donc c'est un chien de chasse. Et est-ce qu'il avale ce qu'il l'arrache ? Après, ah non, il n'avale pas. Non, il déchire. Non. Alors, un chien qui grignote comme ça des objets non comestibles, hein, parce que c'est pas comestible, bien entendu, un plaid, on peut avoir 3 significations. D'abord, l'ennui, c'est-à-dire le chien qui s'ennuie, qui se dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, j'ai un plaid là, sous les dents. Allez, hop. Je vais refaire le plaid. Je vais refaire ma déco. Bon, on a aussi des chiens qui sont pas bien, qui stresse. Et le fait de mâchonner quelque chose ou déchiqueter quelque chose, ça les apaise. Vous savez, c'est un peu comme nous quand on prend un chewing-gum, parce qu'on est stressé, ben ça nous apaise de mâchonner notre chewing-gum. Eux, c'est ce qu'ils ont sous la dent, hein, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire un petit peu le plaid. Donc il faut voir de ce côté-là aussi. Et puis après, on a aussi des chiens qui font ça pour demander l'attention. C'est-à-dire qu'ils savent que dès qu'ils se touchent au plaid et qu'ils le déchiquetent, on les regarde, on leur parle, on s'occupe d'eux. Donc je pense que c'est pas ça non plus, parce que il le fait seul, ça, quand il est seul. Non, pas quand il est seul. Oui, en effet, c'est vrai que ce que vous me dites me paraît bien évident. En fait, il me fait ça, le déchiquetage, là, aux environs de 18h, 18h30. Alors pourtant, habituellement, on l'a fait jouer, parce que tous les jours, je le fais jouer avec sa balle en extérieur. En plus, il a un extérieur qui est assez grand, donc il en profite bien. Mais justement, je me demande si ça n'est pas en effet pour porter l'attention, c'est vrai. Voilà. Parce que l'ennui, ça peut être tout simplement un manque d'activité. C'est-à-dire que c'est un chien chasseur qui a besoin de se défouler, de courir, de jouer, vous le savez. Donc ça, c'est peut-être qu'il a pas son quota d'activité dans la journée. Faut juste voir si faut pas lui en donner plus. Hein, je sais un pas. Un peu plus. Oui, un peu plus. Ouais. On en donne souvent moins que nécessaire. Vous savez, le chien, ça a besoin de vraiment beaucoup courir, beaucoup. Et d'autant plus cette race là. Hein, vraiment. Voilà. Donc peut-être qu'il a pas son quota d'activité. Peut-être qu'il est un peu stressé. Bon, au bout de 6 mois, je pense qu'il a trouvé sa maison, qu'il a trouvé son cocon, sa famille. Il n'a pas d'autres signes, il ne semble pas... Non, il est très, très... Alors, en effet, il a besoin de beaucoup de câlins, beaucoup. Il est très, très, très affectueux. Hein. Très affectueux. Il a toujours besoin, il vient réclamer, toujours des caresses. Il est très affectueux. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y a un petit peu ce côté-là, cette attention dont il a besoin. Cette demande d'ascension, je pense qu'il en a besoin, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Alors, c'est peut-être aussi un signe de justement où il veut être apaisé. Donc, plutôt que d'aller le voir et lui dire non, arrête, etc., peut-être le détourner sur autre chose. Peut-être aussi lui donner des choses à mâcher, tout simplement. Le soir, justement. Vous savez, il y a des jouets à mâcher, il y a des os synthétiques à mâcher qui sont très bien. Il y a des barres, des bâtonnets à mâcher qui en plus font office de brosse à dents. Peut-être que le soir, après ces jeux, après ces activités dans la journée, lui donner, sa récompense, le truc à mâcher. Parce que je pense qu'à 18h, c'est peut-être le moment où vous commencez à soit regarder la télé, soit être en cuisine, enfin à faire d'autres activités qu'à vous occuper de votre chien. Lui, il a dormi, il a déjà fait ses activités. Donc là, il se dit, ma maîtresse, elle s'occupe plus de moi. Donc hop, je vais déchiqueter un petit peu le plaid. Là, il m'en reste encore un bout. Elle va s'occuper de moi. Donc donnez-lui à ce moment-là justement quelque chose à faire pour qu'il se focalise sur autre chose que sur vous. Et puis, Monique, même si c'est très difficile, essayez de pas répondre systématiquement à ses demandes de câlin. Je pense qu'il a fait, il a un très fort lien avec vous parce que c'est un chien abandonné que vous avez que vous avez recueilli, qu'il a besoin de cet attachement. Mais faites attention, il faut pas que l'attachement soit trop fort parce que il a aussi besoin d'être un peu plus autonome de se lancer aussi dans sa vie et de pas être avec vous, avec cette mère de substitution que vous êtes. Ne répondez pas forcément systématiquement à ses demandes de câlins. Ce qui ne vous empêche pas de l'appeler pour faire des câlins, voyez, de le couvrir de câlins. Oui, bien sûr. Voilà, il faut qu'il devienne adulte et pas trop ne pas répondre à ses demandes de câlins trop souvent et lui donner quelque chose à mâcher autre que son fameux plaid. Voilà. Est-ce qu'il se rend compte qu'il fait des bêtises? Est-ce qu'il plaide coupable dans ce cas précis? Oui, mais son nez sous le plaid. Mais voilà. Il n'est pas très fier. Merci beaucoup, Monique. Merci, Monique. Et bon dimanche. Dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos de 7h. Mais auparavant, c'est Julien que nous accueillons. Bonjour, Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Bienvenue. Vous allez bien? Magnifique. Très bien. Ça va très bien. C'est vous l'homme au British Short Air. Exactement. Je vous reconnais. Sauf que cette fois-ci, j'en ai deux. Ah ben voilà, double bonheur. Tout simplement, j'ai pris le petit frère de mon chat. C'est mignon. Donc avec le même papa et la même maman. Et donc je l'ai récupéré il y a à peu près une semaine de ça. Mm-hmm. Et alors? Franchement, j'ai été très très surpris. Ça se passe super bien. Oui. Mon gros Matou l'a même pas agressé. Il approche tout doucement. Enfin, voilà. Le petit au début forcément était un peu impressionné parce qu'il se retrouvait face à un gros Matou de 4 ans en face de lui, donc il faisait un petit peu ses petits cris. Laisse-moi tranquille. Mais franchement là maintenant ça va bien. Il se sniffe un petit peu le museau l'un l'autre et franchement je suis très agréablement surpris. Sachant que le gros n'est pas castré en plus, donc voilà, et c'était une volonté de ma part de le garder comme ça. Oui. Et donc la question que j'ai, c'est que donc le petit là, il a 3 mois et demi maintenant. Oui. Et est-ce que vous pensez que on peut les laisser entiers tous les deux, si ça se passe bien comme ça continue de l'être maintenant, ou vaut mieux que je castre, que je stérilise le deuxième? À mon avis, Julia, vous serez obligé de castrer les deux. Je vous explique. Le premier, en fait, il a toujours été. Il n'a jamais été. À marquer son territoire. Après, ça sera l'expérience. Et j'ai peur que ça change sa personnalité. Alors, le premier ne marquait pas, tout simplement parce qu'il était tout seul, qu'il n'avait pas de femelle à l'horizon, et qu'il n'avait pas de mâle à l'horizon. Mm-hmm. Parce qu'il marque le territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre élément dans son territoire, c'est-à-dire un autre mâle, où il marque le territoire pour signifier à la femelle qu'il est prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, qu'il est prêt à se marier. Moi j'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec son éleveuse. Oui. Et en fait, son père était comme lui, mais dans le sens où, par exemple, pour qu'il se reproduise, et pourtant c'était l'étalon de l'élevage, parce que hélas, il est décédé il y a quelques jours maintenant. Et en fait, son père n'était pas du tout. Hormonal, on va dire, si je peux dire ça comme ça, pour un chat. Il marquait pas, et pourtant il était dans un élevage, il était entouré de femelles, et pour qu'il fasse des choses avec les femelles, elle m'a dit, l'éleveuse, il fallait vraiment qu'ils enferment tous les deux. Enfin bon, c'est un peu particulier par rapport à lui. Et donc elle m'a expliqué que probablement son fils serait un peu dans la même lignée. Et voilà, et en fait, comme il a 4 ans maintenant, enfin moi, j'ai beaucoup entendu parler que lorsqu'on stérilise des chats tard comme ça, ça peut effectivement changer un peu leur façon d'être, leur personnalité, et c'est ce que je crains si je sais stériliser le plus grand. Bon, alors d'abord, ôtez-vous cette crainte, ça ne va pas lui changer son comportement, il aura toujours le même comportement. Vous inquiétez pas, surtout c'est un chat qui... Enfin, ça change surtout les comportements des chats qui sortent. D'accord. Parce que les chats qui sortent, voilà, ils deviennent plus casaniers après la stérilisation parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt à sortir très longtemps ou avoir un grand territoire puisqu'ils n'ont plus de territoire vraiment à défendre grand et de femelles avec lesquelles se fiancer. Donc déjà. Le fait que depuis une semaine, que le petit chaton est là et qu'il n'ait vraiment rien fait, parce que comme je dis, il n'a pas. Ah bah c'est un chaton, donc il fera rien. Non. Et le fait que le chaton soit stérilisé, c'est. Ça pourrait pas empêcher que lui fasse ça. Peut-être oui, peut-être non. Je vous explique. Quand le chaton commencera à sécréter des hormones mâles, c'est-à-dire vers 5-6 mois, donc il deviendra adolescent, le chaton va peut-être marquer son territoire parce qu'il y a un autre mâle, et ça va peut-être pousser votre premier mâle à marquer aussi son territoire. Donc là, ça sera un petit peu invivable chez vous, voyez. Je dis bien peut-être, parce que peut-être qu'ils vont pas du tout marquer leur territoire tous les deux, ce qui sera quand même une exception qui confirme la règle. D'accord. Mon intention, c'est de faire stériliser au plus petit, parce qu'on m'a clairement dit qu'il fallait attendre que les testicules descendent pour le faire stériliser. Oui, c'est trop, 3 mois et demi, on peut l'opérer, mais bon, c'est jeune. Mon objectif, c'est que ça soit, c'est jamais doux ce genre d'opération, j'imagine bien pour le chat, mais je préfère faire ça dans les meilleures conditions. Donc, je sais qu'il faut que j'attende. Vous inquiétez pas, on donne des antidouleurs, il n'y a pas de problème. Oui, c'est surtout à quel âge, idéalement, Laetitia, il faut le faire? Nous, c'est plutôt à 5 mois, 6 mois. Pourquoi? Les Américains, eux, stérilisent à 3 mois. Oui, c'est ça. Enfin, le problème, c'est que plus on stérilise tôt, plus l'animal est jeune, bien sûr, et plus les risques anesthésiques sont élevés. Mmh. Parce que anesthésier un bébé ou anesthésier un adulte, c'est pas la même chose, hein, comme chez l'homme. Mmh. Donc c'est pour ça que nous, on attend 4-5 mois pour pouvoir vraiment, pour que l'animal soit un peu plus adulte. Donc Julien, à 4-5 mois, à 5-6 mois, votre petit va commencer à avoir des urines qui sentent fort, éventuellement à marquer le territoire, vous allez le stériliser. Si l'autre chat ne marque pas le territoire, bah, restez comme ça. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Faites attention, ça peut changer leur relation. Ah. Et si vous voyez qu'ils se chamaillent et que vous n'avez pas, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, même après la stérilisation du petit, il faudra peut-être stériliser le plus âgé. Ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que à 5-6 mois, vous allez stériliser petit et peut-être qu'il faudra stériliser l'autre aussi s'ils ne s'entendent pas ou si l'autre marque son territoire. Merci Julien, tenez-nous au courant, tiens. Voilà, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Julien des Alpes-Maritimes, on revient dans un instant. Laetitia, pour notre deuxième partie dédiée aux animaux, on va évoquer les abandons d'animaux qui ont été en hausse cet été, une hausse assez alarmante. On parlera poisson rouge aussi, du blues de la rentrée pour les animaux et on découvrira un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. Tout cela après la météo, les infos de 7h et puis bien sûr en continu, vous pouvez joindre notre vétérinaire ce matin au 3216 ou bien animaux@rmc.fr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, canal 24. RMC, 7h, une nouvelle heure commence. Plus que deux jours avant de vivre une expérience renversante avec le mois Carrefour. Embarquement immédiat, sensation forte garantie, le mois Carrefour démarre à toute allure avec des promos sur des milliers de produits de marque et plein de surprises jusqu'au 3 octobre. Attention au départ. La météo sur RMC, la météo de ce dimanche, c'est avec vous Jean-Baptiste Bergès, bonjour. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors ce matin, vous vous réveillez sous les nuages si vous vous trouvez dans la partie nord du pays. Oui, en ce moment, vous avez un peu de crachin sur la pointe Finistère et en Pays de la Loire. Mais c'est surtout à l'est du bassin parisien jusqu'à l'Alsace que les pluies sont les plus soutenues. Des pluies orageuses qui vont s'intensifier au cours de la journée pour gagner la Franche-Comté. En Normandie et sur le Hauts-de-France, pas de pluie prévue, mais du vent du sud-ouest à 70 km/h qui va souffler jusqu'au Pas-de-Calais et au cours de l'après-midi, les rafales vont gagner les frontières allemandes plus à l'est. Ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, journée voilée. Le ciel va garder un aspect laiteux tout au long de la journée. Même au bord de la Méditerranée, le ciel ne sera pas bleu azur, mais tout de même, c'est là-bas qu'il sera le plus lumineux. Et puis là-bas, la tramontane présente dans le golfe du Lion cet après-midi va s'occuper de chasser les nuages. Le vent va souffler à 50 km/h. Ce matin, le thermomètre affiche 14 degrés à Strasbourg, 17 à Rouen, 19 à Orléans, 16 à Bordeaux, 22 à Nice. Cet après-midi, 21 à Lille, 23 à Paris, 33 à Toulouse, 33 également à Marseille et jusqu'à 36 degrés par endroit en Provence. Il fait toujours très chaud dans le sud, par contre ça baisse dans le nord. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Italie. 16h15, rugby top 14, UBB Montpellier, suivi à 21h de Racing 92 Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, merci d'être avec nous les 7h. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Que s'est-il passé dans l'un des principaux lactariums d'Île-de-France, celui de l'hôpital Necker? Deux décès de nouveau-nés constatés. Ils avaient consommé du lait maternel issu de dons. La politique, ce week-end, les Républicains sont à la boule. Clôture aujourd'hui des universités d'été où l'objectif est simple, éviter les conflits. Et puis le sport, c'est le football et les Bleus qui prennent le temps de soigner leur popularité malgré l'échec à l'Euro. Elle est bien réelle cette popularité. Il est 7h sur RMC, bonjour à tous. Chaque mois, il distribue 700 litres de lait maternel aux grands prématurés d'Île-de-France. Le lactarium de l'hôpital Necker a donc suspendu ses livraisons hier. Suspicion de contamination, Romain Cluzel. Une bactérie très dangereuse lorsqu'elle infecte les grands prématurés, des bébés de moins d'un kilo. Les trois nouveau-nés contaminés avaient reçu dans leur alimentation du lait maternel délivré par le lactarium de l'hôpital Necker à Paris. Ce lait est prescrit notamment aux grands prématurés dans les cas où la mère ne peut pas nourrir son enfant. Il suit des procédures très strictes avant d'être délivré. Par mesure de précaution, l'hôpital Necker a suspendu la délivrance de son lait maternel et des lots ont été rappelés. Plusieurs analyses sont en cours pour déterminer s'il y a eu contamination par la bactérie qui a provoqué la mort de deux nouveau-nés. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de semaine prochaine. Pour continuer à prescrire du lait maternel en Île-de-France, des échantillons doivent être transférés d'un lactarium du Lot-et-Garonne. Et évidemment, quand il s'agit de grands prématurés, aucun risque ne peut être pris. Et la pédiatre Sylvie Hubinois soutient la décision des autorités de santé. Tous les nouveau-nés sont à risque infectieux parce qu'ils ont tous une immunité qui n'est pas très bonne, mais les grands prématurés encore plus que les autres. Il y a des bactéries un petit peu partout. S'il y en a dans le lait en quantité importante, ça peut éventuellement se transmettre par le lait. C'est un petit peu ça le problème. C'est un principe de précaution qui paraît plus que raisonnable. D'avoir suspendu l'administration du lait, il vaut mieux donner du lait en poudre que du lait qui risque d'être contaminé si on ne sait pas d'où vient la contamination. Et Sylvie Hubinois interrogée par Mélanie Payon, Mélina Payon précisément. Pas de miracle, mais en tout cas de vraies avancées. Les conclusions des essais cliniques sur le baclofène pour traiter l'alcoolisme. Le médicament ne soigne pas l'addiction, mais il permet de réduire la consommation d'alcool dans un cas sur deux et surtout chez les gros consommateurs. À n'en pas douter, la décision de la mairie de Paris va sérieusement faire râler l'automobiliste parisien. C'est aujourd'hui la fin de Paris-Plage et Anne Hidalgo va en profiter pour laisser fermer les voies sur berge, rive droite. La maire de Paris avait toujours affiché son ambition, mais cette fois-ci, elle s'est actée. Selon le journal du dimanche, Christophe Najdowski, chargé des transports à la mairie, s'explique. Les berges continueront d'être accessibles, bien évidemment, aux piétons. Et nous allons aussi travailler à ouvrir un certain nombre de lieux sur les berges, là aussi pour pouvoir animer les berges, avec un certain nombre d'aménagements aussi qui visent à rendre les berges à une fonction, eh bien, tout simplement, alors, de promenade, de balade, mais aussi à une fonction économique. Nous voulons par exemple développer la logistique fluviale et amener des marchandises par le fleuve, ce qui fera aussi des camions en moins sur les routes. Et donc en ce sens aussi, cette piétonnisation, elle est aussi la traduction de l'engagement que nous avons pris au moment de la COP21 pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La politique nationale, cette fois-ci, ça se passe notamment à La Baule ce week-end. Campus des Républicains, c'est Nicolas Sarkozy qui clôturera le rendez-vous aujourd'hui. Depuis hier, c'est l'apaisement entre les candidats à la primaire qui semble être le maître mot. François Fillon, tout en critiquant François Hollande, lui, n'a pourtant pas épargné Nicolas Sarkozy. La présidence de François Hollande s'achève dans la médiocrité et dans le désordre. Et d'ailleurs, les ministres s'empressent de quitter le Titanic. Montebourg, Hamon, Macron... Tous furent ministres et tous aujourd'hui sont contre François Hollande. Moi, lorsque j'étais Premier ministre de Nicolas Sarkozy, il m'est arrivé d'avoir des doutes ou des désaccords. Mais jamais je ne les ai exposés sur la place publique. Jamais je n'ai été déloyal. Parfois j'ai serré les dents, mais lorsqu'on est au gouvernement de la France, on sert la France et celui qui a été élu par elle en mettant de côté ses états d'âme. Et puis dans le JDD ce matin, la stratégie, Emmanuel Macron, le ministre démissionnaire, s'exprime longuement. Sa mission, susciter l'engouement. Et sans se déclarer candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron prend pourtant les réflexes du prétendant, critiquant sérieusement Nicolas Sarkozy et s'en prenant aussi au mandat de François Hollande. Des sueurs froides et surtout du mal à comprendre ce qu'il se passe. L'est des Alpes-Maritimes, touché hier soir par un tremblement de terre. Oui, il était 21h14, séisme de petite ampleur, 3,9 de magnitude, mais ça a suffi à surprendre Patrice qui a appelé le 3216 hier soir. On regardait la télévision tranquillement et mon épouse, quand on me regarde, me dit mais pourquoi tu bouges comme ça? Je dis mais c'est pas moi qui bouge. Je sens pas, c'est la secousse sismique. Ça a duré 2 secondes et puis plus rien. Le vase, les plantes, le lustre, on l'a bien ressenti. Hein. Bon, ma femme, elle a peur, mais moi, ça me fait rire parce que le jour que réellement il y aura vraiment un gros tremblement de terre, on pourra rien faire de toute manière. Hein. À part essayer de courir et puis essayer de sortir de l'immeuble où on habite, c'est tout. Hein. 100 000 personnes sur la place Saint-Pierre du Vatican ce dimanche. 100 000 fidèles pour assister à la cérémonie de canonisation de la Dame des bidonvilles de Calcutta, Mère Teresa, qui grâce à deux miracles et son engagement auprès des plus pauvres en Inde principalement, va devenir sainte. Et c'est mérité pour l'historien des religions Jean-François Colosimo. Mère Teresa, c'est une femme de toutes les marges. C'est une sœur qui va fonder un ordre qui n'existe pas. Elle choisit un pays, l'Inde, qui à ce moment-là est à la périphérie du monde. Et puis, elle s'adresse aux mourants, à ces intouchables d'Inde, qui sont abandonnées à une terrible agonie. Elle va ainsi de marge en marge et elle nous dit que finalement, le centre du monde, ce sont ces marges dans lesquelles peuvent s'accomplir en fait le devoir de fraternité humaine. Il est 7h06 sur RMC. Il est bien loin le temps de Nice-Na, le temps des controverses, des frasques. L'équipe de France de football est à Clairefontaine ce week-end pour préparer sa campagne de qualification au Mondial 2018, mais aussi pour tester sa popularité. Pierre Ikten à coup de séance d'autographe. Oui, comme d'habitude, à ce petit jeu-là, il y en a un qui attire tous les regards. Antoine Griezmann, tout sourire, enchaîne les selfies, les autographes, les bisous aux enfants. C'est la coqueluche du public, hein, si l'on en juge par l'attroupement que provoque le joueur de l'Atlético Madrid et le nombre de maillots floqués à son nom, à l'image de ceux de Lali et Guillaume. Ah, oh, super. Ouais. Bonne atmosphère, Didier, proche du public. Nickel. Didier Deschamps, lui aussi, est passé par la case autographe. Il n'est d'ailleurs pas le dernier à recevoir les louanges de ses fans. Merci beaucoup. Des joueurs disponibles, mais surtout ravis de l'engouement qu'ils ont suscité pendant l'Euro et des bénéfices qu'ils en tirent aujourd'hui à l'image d'Olivier Giroud. On a rendu fiers les Français et ça nous rend par la suite bien sûr fiers de ce qu'on a réalisé. Un soutien capital alors que se profile la campagne éliminatoire à la Coupe du Monde 2018 et ce premier rendez-vous mardi en Biélorussie. Le rugby, La Rochelle et Brive, les deux leaders provisoires du top 14, début de saison surprise. Hier, La Rochelle a battu Castres, Brive Toulon et pour l'instant, Clermont et le Stade Français faisaient match nul 30 partout. Résultat qui ne plaît pas du tout au Parisien Geoffrey Doumerou. C'est deux points perdus parce que avec le break qu'on fait en première mi-temps, il doit jamais revenir et le match doit être plié. Moi, je trouve que c'est vraiment décevant de faire ce match nul. Je pense que nous, notre défense aujourd'hui, elle a pas du tout été au niveau d'un match comme ça. C'est même un peu scandaleux ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vois l'envie qu'on met en attaque, mais cette envie-là, je la vois beaucoup moins en défense et honnêtement, c'est ça qui me fait chier entre guillemets. Vraiment, on s'est échappé un peu. Et puis ils sont rarement à la une de l'actualité, mais leur sport est pourtant passionnant. L'équipe de France de hockey sur glace est en Norvège ce week-end, en Norvège pour tenter de réaliser son rêve olympique, tournoi de qualification et des Bleus qui sont tout près des JO 2018. Clément Matisse. Après trois échecs successifs, les Jeux Olympiques tendent de nouveau les bras aux hockeyeurs français. Les derniers JO, c'était à Salt Lake City en 2002 et le capitaine de l'équipe de France, Laurent Meunier, était déjà là. Aujourd'hui, il rêve de retrouver cette compétition. C'est les Jeux Olympiques, voilà, c'est déjà en soi-même, c'est particulier. En plus, vraiment, le niveau est exceptionnel. Donc, si on arrive à se qualifier pour ça, ça serait vraiment incroyable. Quoi. Il faudra d'abord battre la Norvège, un adversaire qui sera favori devant son public. Mais Dave Anderson, l'entraîneur des Bleus, sent que son équipe est bien prête. Ça englobe 4 ans de travail pour essayer de se qualifier et on est à l'aboutissement maintenant et ça va être un match clé de peut-être de notre saison. Victoire, impératif donc pour une qualification qui échappe aux Bleus depuis près de 14 ans. Voilà, le hockey sur glace, François Sorel. Je vous verrai bien sur des patins, tiens. Ça, c'est. Vous me verrez pas très longtemps. C'est ça qui est bien. Ouais. Enfin, je serai plutôt sur la glace après. Ouais, après. Et vous oui. Non, vous êtes bon là-dedans. Ah, hein. Ben moi, j'ai joué longtemps, donc forcément, joué, c'est oui, une passion clair. Même. Ça, c'est clair. Vous pourriez m'apprendre. Oh, ben avec plaisir. C'est sûr. Avec plaisir. Le tiercé quarté quinté plus, c'est peut-être plus tranquille pour moi. À cran. À cran, exactement. Les pronostics de la Dream Team. Sébastien Larras fait confiance au 15 Uniflosabé. Là et 11 Akido. Brahim Asloum pense que le 5 Van der Love a ses chances et Laurent Guédard quant à lui retient le 17 Tagada Tagada et le 9 Univers de Dédou. Le 15, le 11, le 5, le 17 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Bienvenue sur RMC et bonjour à vous toutes et à vous tous. Excellent dimanche, un dimanche qui, vous le savez, jusqu'à 10h bat au rythme de nos experts. Tout à l'heure, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra entre 8h et 10h, 2h dédiées à l'automobile avec vos questions auto 32-16, l'essai de la semaine. On parlera aussi de contrôle technique automobile tout à l'heure avec peut-être une mise à jour du contrôle technique assez importante, notamment en matière de pollution des diesels. Ça sera donc tout à l'heure, à partir de 8h, Jean-Luc Moreau. Mais dans l'immédiat, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout va bien, la tia-tia ? Oui, tout va bien. Je suis en train de lire des tweets, oui. Dont celui d'Olivier Winter, qui dit... Si Laetitia se promène en montagne avec une clochette, elle risque d'attirer beaucoup de Peter Pan. C'est mignon. C'est mignon, hein. Ouais. On pourrait rajouter ça c'est fait. Ça c'est fait. Merci Olivier. Bravo. Et puis, tout à l'heure, Laetitia, on va parler de plein de sujets liés aux animaux. On va évoquer un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. On va évoquer le blues de la rentrée pour les animaux. Dans quelques minutes, on ira au secours des poissons rouges. Et sachez que je vais vous offrir aussi, dans quelques instants, deux places pour assister au plus grand feu d'artifice d'Europe qui se déroulera le 10 septembre prochain à Saint-Cloud, à 21h. C'est un spectacle magnifique, pyrotechnique. Et j'aurai le plaisir de vous offrir quelques places tout à l'heure par SMS. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant... Pour l'instant. Bah, nous allons parler, on va faire un petit peu le bilan de cet été concernant les abandons, mais aussi les adoptions dans les refuges. C'est pas joli joli, hein, visiblement. Voilà, et nous sommes avec Xavier Bonnard, qui est le président de la SPA Marseille-Provence. Xavier, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bien sûr, la rentrée, c'est l'heure des bilans. Partout en France, les refuges ont alerté sur une recrudescence alarmante des abandons. On parle de plus 20 à plus 30% par rapport à l'année dernière. Avez-vous fait le même constat et avez-vous des chiffres d'ailleurs? Alors malheureusement, oui, nous avons fait le même constat où les abandons sont encore en augmentation. On a beau faire de la prévention, ça continue d'augmenter. Alors nous, à la SPA Marseille, nous regroupons un peu le sud de la France sur les abandons et sur la protection animale. Nous avons mis en place des équipes de bénévoles qui étaient dédiées entièrement à l'adoption, ce qui nous a permis de faire adopter sur la fin de la saison beaucoup de chiens et donc libérer des boxes pour accueillir malheureusement les nouveaux rentrants. Mais vous savez que depuis le 1er janvier, il y a une législation sur la vente des chats et des chiens, en particulier sur les sites d'annonce. Hein, ça a changé pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vendre de chiots ou de chatons sans être déclaré éleveur. Est-ce que c'est une des raisons des abandons de cet été? Alors ça, chère madame, j'aimerais vous dire que c'est malheureusement la théorie. Ce qui se fait dans la pratique, c'est pas respecté, vous le voyez bien. Si vous allumez, vous mettez certains sites en ligne, comme Le Bon Coin ou Particulier à Particulier... Pour ne pas, pas les citer. Oui, je suis désolé, mais malheureusement, vous verrez qu'il y a toujours des chiens ou des chiots ou des chats à vendre. Oui. Et c'est pour ça, les gens s'emballent, puisque souvent, les chiens ou les chats sont donnés ou alors vendus à petit prix. Ils les prennent, et puis arrivé en début d'été, eh ben, tiens, le cadeau qu'on a fait en décembre, on ne s'en rappelle plus, mais en juillet, on part en vacances pour 10 jours, donc on va l'abandonner. Et c'est bien malheureux. Alors qu'il y a plein de solutions alternatives. Hein. On en avait parlé, vous vous rappelez, il y a quelques temps, en mettant son animal dans un refuge en garde à 10 euros par jour, ou partie une semaine, ça vous coûte 70 euros. Oui, il faut dire que les refuges font aussi pension. Pas tous les refuges, mais une certains. Grande partie, même la SPA Marseille, fait pension, bien sûr. Ah, vous faites pension. Laisser votre chien, votre chat, votre oiseau. On a eu des gens nous, qui ont été hospitalisés cet été ou qui sont partis en vacances et qui nous ont laissé leur ménagerie parce que vraiment, ils avaient beaucoup d'animaux, autant sur les chiens que sur les chats. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cat-sitters, de dog-sitters, des personnes qui gardent les animaux chez elles. Ou alors même, vous avez l'option aussi des personnes qui viennent chez vous garder la maison et les animaux. Enfin, on a beaucoup de solutions. Quelles sont les raisons des abandons pour vous, en tout cas cette année? Eh bien, alors, il faut dire que déjà, les gens achètent des chats ou des chiens par mode de race et par mode de... C'est-à-dire il y a des races qui sont à la mode. Et On a vu pendant des années la mode du Jack Russell. Oui, tout le monde vrai. A connu ce chien et tout le monde était super. Mais on s'est rendu compte qu'il était trop actif pour les personnes âgées, pour les gens qui ne faisaient pas de sport, etc., etc. Donc, on a eu de plus en plus d'abandons. En ce moment, c'est la mode du... vous savez, les tout petits chiens, là, les chihuahuas. On a le retour du petit chihuahua ou tous les petits chiens qui ressemblent à ça. Pourquoi? Parce que les stars ont ces petits chiens. Donc, les citoyens veulent les mêmes pour briller. Et on se rend compte que, un an, deux ans, trois ans après, on ne le veut plus. Donc, on vient le déposer au refuge. Donc, on a beaucoup de ce genre de chiens. On a des Yorkshire. Malheureusement, on a encore des Jack Russell, etc., etc. Alors, s'ils veulent faire un effet de mode, moi je veux bien, mais qu'ils aillent se faire des coupes de cheveux ou s'acheter des vêtements, mais pas des animaux. Alors, je sais que dans les médias cet été, vous avez passé un coup de gueule en août suite à l'abandon horrible d'un York. Justement, vous parlez de York. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Yorkshire, comme je l'ai dit auparavant, était dans une voiture. Il roulait avec un couple. Le couple, en roulant, a ouvert la portière et a jeté le Yorkshire par la fenêtre. Voiture de l'air a pilé pour ne pas l'écraser, s'est arrêtée, a récupéré le chien qui venait d'être jeté, a noté la plaque d'immatriculation, nous a remonté le Yorkshire, etc. Nous avons pu identifier la voiture avec la plaque d'immatriculation, nous avons pu identifier les propriétaires parce que ce chien était pucé, nous avons lancé une enquête, et oui, je pense que nous avons le coupable de ces faits, puisque le gérant tourne autour de 6 personnes qui se renvoient la balle. Mais ne vous inquiétez pas que là... Et que risque le responsable, là? Parce que ça serait pas mal d'informer tous ceux qui nous écoutent. Vous voyez, dernièrement, la cause animale a fait un procès à un chien qui avait un cocker qui avait tué son chien à coups de pioche parce qu'il aboyait trop. Il a pris 2 ans et 30 000 euros d'amende. Là, ça sera exactement pareil. C'est un acte de cruauté qu'on va poursuivre au tribunal. Et on fera tout ce qu'il faut pour, justement, ce petit chien. Alors, ce petit York, aujourd'hui, il va très bien. Et alors, comment va-t-il? Il avait des fractures au niveau de la hanche. Au niveau du bassin, et il avait des vertèbres déplacées. Alors, aujourd'hui, il va très bien. On a fait un appel aux dons sur la SPA Marseille, sur notre Facebook. Et on a reçu énormément pour ce petit chien. Ça nous a permis de pratiquer les soins correctement à ce chien et en faire à d'autres chiens qui ont bénéficié de la caillotte de ce génial. Petit chien. Et il est proposé à l'adoption aujourd'hui? Alors, justement, une personne qui s'était positionnée dans les premiers pour adopter ce petit York l'a adopté et en est super contente. Et alors nous, c'est le chien du buzz, quoi. Nous avons fait 3 800 000 vues. Vous voyez comme quoi la cause animale ne mais s'arrête c'est pas très à Marseille, bien. Mais pas ses frontières. On a aussi parlé aussi beaucoup cet été de chatons qui avaient été trouvés dans les poubelles par... C'est incroyable, ça. Affreux. Alors, mais je crois qu'ils ont, ils ont atterri chez vous aussi. C'était affreux. À Marseille. Quelqu'un qui avait mis des petits chatons dans un carton, il avait recouvert d'un sac plastique, il avait fermé, et il avait mis à côté d'un conteneur de poubelle. Si un commerçant et la vigilance des éboueurs de la ville de Marseille n'avaient pas prêté attention au bruit à l'intérieur de ce carton, qui était calfeutré pour pas qu'on le trouve, les chatons seraient passés à la broyeuse avec la mer. Et on a fait une vidéo et on a ouvert en direct le carton quand on a fait la vidéo. On semble déconcerté de voir qu'aujourd'hui, en 2016, il peut encore se passer des décisions. Mais oui, c'est incroyable. Vous savez, je vais vous dire, heureusement que vos auditeurs aiment la cause animale, et je sais que RMC soutient la cause animale. Oui. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut sensibiliser les gens qui restent malheureusement à sensibiliser. Parce que vous ne voulez plus de votre chat, de votre chien, de votre oiseau, etc. Il y a assez de refuges à Marseille, dans le département ou en France, pour venir le déposer. On n'est pas obligé d'attendre dans une voiture pour ouvrir la portière, jeter son chien par la fenêtre, abandonner son chat dans la rue, ou alors les mettre dans un carton à la benne. C'est lâche, c'est vil, c'est affreux. J'aimerais juste voir un jour le visage de quelqu'un qui peut faire ça. C'est pas possible. Est-ce qu'il se regarde tous les matins dans la glace? C'est ça vrai. Ça me semble compliqué. Et vous parlez d'oiseaux, etc. Mais vous recueillez aussi ce qu'on appelle les nacles, les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les cochons d'Inde, qui sont aussi abandonnés. C'est incroyable. Alors, c'est vrai que les nacles, avant, il y a 20 ans, c'était je prends un petit lapin, je prends un petit cochon d'Inde, etc. Mais on s'aperçoit que 20 ans ou 25 ans après, les nacles ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, c'est un furet. Aujourd'hui, c'est des serpents. Aujourd'hui, c'est des animaux qui sont vendus, malheureusement, en animalerie. Et qu'au bout de quelques temps, les gens n'en veulent plus. Les gens s'enlacent. Et ils viennent nous les amener. Donc, nous, on ne peut pas les refuser. On les prend. Alors, pour ceux qui sont en pleine forme, tant mieux. Ceux qui le sont un peu moins, on les remet. Et après, on les remet à l'adoption. Vous savez, il y a eu le buzz des tortues. Oui. Tout le monde voulait des tortues de terre. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'avoir des tortues qui sont protégées chez soi. Donc, les gens se rendent compte de plus en plus qu'ils sont un petit peu... borderline, et nous amène les tortues. Donc on a eu une vague de tortues, German. Alors, je vous rassure, on est en contact avec des structures... le village des tortues. Voilà, exactement. Mmh. Et on le ramène, donc les tortues, ils sont bien contents de s'en occuper. Vous savez, on a eu un perroquet, il n'y a pas longtemps, qui a été mis dans un carton, pareil, à côté d'une poubelle. Oh. C'était un cacatoès. Oui. On est allé le chercher, il est resté un moment à la SPA chez nous, il était très, très sympa. Mais après, on a préféré le placer dans un centre dédié. Les gens nous ramènent toutes sortes d'animaux. Alors, quand c'est accidentel, on peut nous ramener un grand-duc, un hibou, etc. On le mène dans les structures qui sont spécialisées. Mais Le plus dur à entendre pour vous et pour nous et pour les auditeurs, c'est quand quelqu'un amène son chat ou son chien et qu'en fait il a un air complètement détaché et qu'il n'en a rien à faire d'abandonner cet animal. Donc nous à l'accueil, on est obligé de lui faire croire qu'on croit son histoire, parce que malheureusement c'est toujours la même. Je déménage, je pars à l'étranger, mon copain n'en veut pas, ou mon chéri est allergique, etc., etc. Alors, heureusement que pour certains cas, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de cas, et vous savez... Mais au moins, vous sentez que c'est pas... Mais enfin, vaut mieux qu'il l'abandonne même, voilà. Alors, chez vous, parce qu'au moins on a l'historique. À nos équipes, faites croire que vous les croyez. D'accord. Prenez l'animal, parce que sinon, en descendant, ils vont l'accrocher au portail de la SPA, ou ils vont aller l'accrocher sur un aéroport. Et malheureusement, on le voit encore. Donc, Xavier, merci beaucoup. On sent votre passion, Xavier. Écoutez, il y a un site, le site de la SPA Marseille-Provence, si vous êtes dans le coin, bien sûr, spa-marseille.com. Et sur ce site, il y a les photos de tous les animaux qui sont chats, à l'adoption. Les chiens, les nouveaux animaux de compagnie, enfin tous les animaux que vous proposez à l'adoption, Xavier. Et merci pour tout ce que vous faites pour les animaux. Laetitia, on va maintenant parler à peu près de la même histoire, mais pour les poissons rouges. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens qui prennent des poissons rouges et qui, au bout d'un moment, veulent s'en séparer parce que c'est compliqué, ils partent en vacances, etc. Tout simplement, ils s'aperçoivent que le poisson rouge, il est malheureux dans son local. Et heureusement, il y a un aquarium à Paris qui les récupère, ces poissons. On en parle dans un instant avec nos invités. 7h22, c'est RMC. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC. Ce week-end, les Formule 1 sont sur les terres de Ferrari à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Cet après-midi, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Tout à l'heure dans ce rendez-vous animaux sur RMC, on parlera du blues de la rentrée. Alors, pour la plupart d'entre nous, ça se passe bien, la rentrée. Mais pour certains, c'est vrai que c'est compliqué. Et les animaux peuvent aussi avoir le blues de la rentrée. On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, un spécial poisson rouge dans ce rendez-vous animaux avec Laetitia, nos invités. Laetitia, on va revenir sur une tendance qui est assez forte. On achète un poisson rouge, on se rend compte qu'il est... On l'offre à son enfant. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans son petit bocal. Sauf qu'un poisson rouge dans un petit bocal, il est malheureux. Et il est malheureux, et surtout, c'est de la maltraitance, puisque ce n'est pas du tout les conditions appropriées pour ce poisson. Il y a des pays où c'est condamné, d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, par exemple, en Suisse, ou dans certaines régions italiennes, dont à Rome, c'est interdit de vendre un bocal à poisson, puisque ce n'est pas du tout l'environnement pour un poisson rouge. Parce qu'il n'a pas assez d'eau. Il n'a pas assez d'eau, et puis bien sûr... Rappelons, il faut combien pour un poisson rouge ? Entre 50 et 100 litres. Pour un poisson rouge. Alors justement, on va en parler avec un soigneur de l'aquarium de Paris, mais avant ça, on a le témoignage de Nicolas, qui avait un poisson rouge et qui l'a confié à l'aquarium de Paris. Il va nous dire pourquoi. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, on parle d'abandon d'animaux là, juste avant avec la SPA de Marseille. Mais vous avez entre guillemets abandonné votre animal de compagnie pour une bonne cause, puisque vous avez décidé de le confier à l'aquarium de Paris. Alors dites-nous pourquoi. Alors j'ai reçu un poisson rouge en cadeau et je ne savais pas comment m'en occuper. Du coup j'ai effectué. Vous l'avez mis dans quoi? Vous l'avez mis dans un petit bocal comme tout le monde, je pense. Oui. Et j'ai donc effectué quelques recherches sur Internet pour savoir comment bien le traiter. Et il s'est avéré que, mais comme vous l'avez dit, je suis tombé sur des articles qui disaient qu'il fallait un bocal qui faisait entre 50 et 100 litres. Or, le mien, il était beaucoup plus petit. Il fallait également qu'il soit au minimum 2, qu'il y ait de la végétation, etc. Un vrai aquarium. Oui, voilà, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et j'ai décidé de le donner. Et vous l'avez emmené à l'aquarium de Paris, c'est ça? Comment ça s'est passé? Exactement, oui. Donc, il y a eu une petite préparation à faire. J'ai tout d'abord appelé l'aquarium. Oui. Puis, j'ai ramené mon poisson rouge. Et qui s'est retrouvé où? Dans un de leurs bassins qui était beaucoup plus grand que mon petit bocal. Avec ses copains, voilà. Avec ses copains, oui. Mais c'est très bien. Mais je pense que vous n'êtes pas le seul. D'ailleurs, on va le demander à Guillaume Éveillard, qui est soigneur animalier à l'Aquarium de Paris. Guillaume, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, l'aquarium où vous travaillez, l'Aquarium de Paris, presque malgré lui un refuge pour poissons rouges. Est-ce qu'il est courant qu'on vous confie comme ça des poissons rouges? Oui, on en accueille à peu près un par mois en moyenne. Ah oui? Un par mois, d'accord. Bon alors, vous en avez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a une soixantaine à peu près. D'accord. Et alors, dites-nous pourquoi, alors très vite, enfin peut-être... On va en parler dans un instant. Ce qu'on va faire, voilà. Guillaume et Nicolas, vous restez avec nous, parce que on va essayer de comprendre après ce que font ces poissons rouges dans cet aquarium. Est-ce que les visiteurs peuvent les voir, etc. Et puis je crois qu'ils peuvent les toucher. Et puis en plus, les poissons rouges, quand ils ont beaucoup d'espace, ils grossissent, Laetitia. Et autant oui. Ils sont tout petits dans un petit bocal, mais lorsque vous les mettez dans un grand aquarium, ça devient de magnifiques poissons. On en parle dans un instant, après la météo et les infos de 7h30 sur RMC. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Tiens, si vous avez des poissons rouges, est-ce que vous avez conscience du fait qu'ils sont peut-être dans un petit bocal, ou peut-être avez-vous un grand aquarium? Vous pouvez nous appeler pour témoigner. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos Animaux sur RMC. Baron de l'Estac. Avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah pardi, choisissez-moi, Baron de l'Estac. Pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Et le roi de la météo est là. C'est Jean-Baptiste Bergès. Jean-Baptiste, malgré tout, vous n'avez pas que des bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd'hui. Non, François, et puis en plus, c'est la journée de tous les contrastes. Nuages au nord, soleil au sud et une chute vertigineuse des températures. Cet après-midi, on attend 37 degrés à l'est dans le Gard, mais il ne fera que 18 degrés à Dieppe, en Seine-Maritime. Et s'il va faire moins chaud, c'est à cause de cette dégradation qui s'est installée hier par la Bretagne et qui se déplace vers l'est. C'est surtout à l'est du bassin parisien d'ailleurs, jusqu'à l'Alsace, que les pluies sont les plus soutenues en ce moment. Des pluies orageuses qui vont s'intensifier au cours de la journée pour gagner la Franche-Comté. À la de ces dégradations, Bretagne, Normandie, pas de pluie, mais ça va rester assez nuageux et du vent prévu jusqu'au Hauts-de-France. Vent à 70 km/h, vent du sud-ouest qui va souffler aussi en Normandie dans les terres à 50 km/h. Ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, journée voilée. Le ciel va garder un aspect laiteux tout au long de la journée et seul le pourtour méditerranéen aura droit à de belles éclaircies. Ce matin, le thermomètre affiche 15 à Mulhouse, 17 à Rouen, 19 à Orléans, 22 à Nice. Cet après-midi, il fera 21 à Lille, 23 à Paris et 33 degrés dans le sud, 33 à Toulouse, 33 à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, il est précisément 7h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy a une vision rabougrie de la France. François Hollande n'a fait le travail qu'à moitié dans le journal du dimanche ce matin. Emmanuel Macron n'épargne quasiment personne. Le ministre démissionnaire qui ne se déclare pas candidat à la présidentielle mais qui dévoile sa stratégie. Première étape, susciter l'envie. La politique, c'est aussi le parti des Républicains qui clôt son campus d'été. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy au pupitre à la Baule. Discours de clôture après ceux de presque tous les les candidats à la primaire hier. Prise de parole où il s'agissait avant tout d'apaiser. C'est également une information du journal du dimanche ce matin. Les voies sur berge à Paris, c'est semble-t-il terminé pour les automobilistes. C'est ce que dit la maire Anne Hidalgo qui va profiter de la fin de Paris-Plage aujourd'hui pour ne pas réouvrir les berges de la rive droite à la circulation. Mesure de précaution dans l'un des plus grands lactariums d'Île-de-France, celui de l'hôpital Necker. Il a suspendu hier ses livraisons après la découverte d'une contamination chez 3 bébés grands prématurés. 2 d'entre eux sont décédés. Le lactarium distribue chaque mois 700 litres de lait maternel issu de dons. La sainte des bidonvilles de Calcutta, c'est l'un de ses surnoms. Mère Teresa sera canonisée aujourd'hui. 100 000 personnes attendues pour l'occasion sur la place Saint-Pierre au Vatican. Prix Nobel de la paix en 1979, Mère Teresa a consacré sa vie au service des plus pauvres en Inde, principalement. Le sport et le rugby, 3e journée de top 14. Ce week-end, Brive et La Rochelle en tête du classement. Ils ont battu Toulon et Castres. Des victoires hier pour Pau et pour Lyon. Match nul entre le Stade français et Clermont. Et puis rendez-vous Formule 1 aujourd'hui sur RMC 14h. Le départ du Grand Prix d'Italie et Lewis Hamilton en pole position. 7h31 sur RMC. Vos animaux, vous êtes avec Laetitia Barlerin et François Sorel. Merci Thomas et vous revenez à 8h bien évidemment. D'ici là, toutes vos questions animaux au 32-16. On va parler du blues des animaux pour la rentrée. Et oui, il n'y a pas que les humains qui sont victimes de ça. Et puis tout à l'heure, on découvrira un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà, le retour de vos animaux sur RMC avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin à mes côtés jusqu'à 8h. Tiens, j'en profite pour vous offrir un très joli cadeau. Ce matin, je vous offre deux places pour assister au plus grand feu d'artifice d'Europe. Est-ce que vous aimez les feux d'artifice, la tia-tia? C'est sympa, hein? Oh, c'est joli. Bah bien sûr. Alors ça se passe à Saint-Cloud. C'est le 10 septembre prochain à 21h. Près de Paris. Voilà. Et donc là, c'est un festival pyrotechnique, un très très beau feu d'artifice que nous vous offrons. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer maintenant par SMS les trois lettres de votre radio, RMC, par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. J'ai en tout et pour tout 70 packs de deux places à vous offrir, donc allez-y, RMC par SMS au 732-16 et bonne chance pour le tirage au sort. Laetitia, on revient à notre sujet sur les poissons rouges. Les poissons rouges qui sont évidemment nombreux à la maison, mais la plupart du temps maltraités parce qu'ils sont dans de petits bocaux. Et voilà. Et certains, on va dire, propriétaires de poissons rouges se rendent compte que, eh bien, c'est pas une vie agréable pour les poissons rouges et les ramènent dans certains aquariums. Voilà, ils peuvent les ramener. Alors, soit ils achètent l'aquarium qu'il faut et on va parler justement de savoir quel aquarium faut-il pour un poisson rouge, soit il les confie à un aquarium comme l'aquarium de Paris. Nous sommes toujours avec Guillaume Éveillard qui est soigneur dans cet aquarium. Alors Guillaume, dites-nous pourquoi un bocal, le fameux bocal à poisson, le bocal à poisson rouge qui c'est 5 à 10 litres hein, dans ce bocal, est complètement inadapté pour un poisson comme un poisson rouge? Eh bien, parce qu'en fait, un poisson rouge, c'est un poisson qui vit longtemps, ça peut vivre jusqu'à 30 ans, et ça grandit tout au long de sa vie, donc ça peut mesurer à l'âge adulte 30 cm. 30 cm? Oui, alors voilà. C'est sûr que dans un bocal, ça fait... C'est pour ça qu'en fait, il ne grandit pas quand il est dans un bocal, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, il arrête sa croissance, et puis il vit très, très peu, en fait, il va mourir au bout de 3-4 ans. Alors, ce bocal à poisson est interdit en Suisse, dans certaines provinces italiennes d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme aquarium pour un petit poisson rouge hein, quand on l'achète tout petit? Alors, pour un poisson rouge, il faut un bassin de minimum 100 litres. Donc, c'est un bassin qui fait 80 cm de long. 100 litres bon, voilà, 100 litres minimum. Et on ne peut en avoir qu'un? Alors, vous pouvez mettre jusqu'à 2 poissons. D'ailleurs, voilà. Il vaut bien en mettre 2 parce que voilà, c'est mieux d'en avoir plusieurs. D'accord, donc 2 poissons rouges avec un aquarium de 100 litres, il n'y a pas de souci. Non, dans ces cas-là, ça va. Après, il faut ajouter aussi des plantes, du décor. Oui, bien sûr. Bah oui. Une filtration. Est-ce qu'il faut chauffer l'eau? Non, c'est pas la peine. C'est un poisson qui vit entre 15 et 20 degrés. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un peu le cadeau empoisonné quand on nous offre un poisson rouge dans une foire foraine. C'est qu'il faut acheter derrière l'aquarium de 100 litres, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, si vous n'avez pas d'aquarium et si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aussi le mettre dans un bassin. Ah, voilà. Il y a de plus en plus de bassins, d'ailleurs, dans les jardins. Et là aussi, il faut une certaine quantité d'eau ou pas? Ah oui, là, il faut un gros bassin. Bon, généralement, les bassins extérieurs sont déjà un peu plus grands. Et ça correspond tout à fait aux conditions de vie des poissons rouges. Les poissons rouges vivent dans les bassins, dans les étangs, et sont bien plus heureux que dans un aquarium. D'accord. Et qu'est-ce qui est le fait qu'ils soient dans un aquarium, dans un bocal rond, au niveau comportement aussi, c'est de la maltraitance? Oui, c'est surtout, c'est vraiment la taille, hein, qui fait que c'est un problème, parce que si vous avez un bassin de 5 à 10 litres, c'est beaucoup trop petit pour un poisson de 30 centimètres. Mmh. Et puis c'est tout ce qui va derrière, c'est la filtration, l'oxygénation, le contrôle de la température. Il faut vraiment des bonnes conditions pour le poisson rouge. Est-ce que vous avez des familles qui viennent visiter l'aquarium de Paris, est-ce que les parents se rendent compte en voyant des poissons rouges dans des grands bassins que le petit poisson rouge de l'enfant, il est un petit peu à l'étroit dans son bocal? Oui, oui, bien sûr, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, parce que nous, les poissons rouges, on les met dans des bassins qui font entre 2000 et 20 000 litres, donc c'est des bassins absolument géants. Oui. On voit le comportement des poissons, on voit leur taille à l'âge adulte. Je pense que les gens prennent conscience, et après, du coup, s'ils ont des poissons rouges chez eux, nous les apportent. Alors, si on veut avoir, si on est néophyte en aquariophilie et qu'on veut un aquarium avec des poissons, est-ce que c'est le poisson rouge qu'il faut choisir en premier ou un autre poisson? Alors non, il existe vraiment plein d'espèces de poissons qu'on peut avoir en aquarium chez soi qui sont beaucoup plus adaptées, notamment des espèces tropicales. Oui. Je pense au combattant, par exemple, qui est un petit poisson qui vit dans les rivières en fait en Asie et qui a besoin d'un très petit volume d'eau. Oui. Donc celui-ci, on peut le garder dans un aquarium plus petit, ou des néons, des guppies, des poissons qui restent, qui font 2-3 cm à taille adulte, qui sont beaucoup plus adaptés à un petit bassin. Voilà. D'accord. Parce que... Oui, finalement, c'est le mauvais casting, le poisson rouge. Ah, tout à fait. Ouais, c'est vraiment c'est dingue. Alors, Laetitia, nous avons Serge qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Serge. Bonjour à l'équipe. Bonjour Serge. Alors, bonjour. Racontez-nous, votre femme vous a offert un poisson rouge? Alors moi, à l'époque, j'avais une nouvelle copine, donc que j'ai toujours d'ailleurs, qui partait en vacances. Oui. Et elle m'a demandé si je pouvais lui garder son poisson rouge. Et ouais. Vous l'avez gardé? Alors je l'ai gardé, et puis quand elle est revenue de vacances, au bout de 2-3 mois, je lui ai demandé si c'était toujours d'actualité que je le garde. Elle m'a dit oui, la maison s'y prêtait mieux, donc je me suis retrouvé avec le poisson rouge. J'avais pas eu de poisson rouge depuis mon enfance, et puis je m'y suis très attaché, oui. Contrairement à ce qu'on dit sur les animaux, et en particulier les poissons rouges, que c'est un animal qui... auquel on ne s'attache pas forcément. Moi, je m'y suis très attaché. Pour finir, donc, elle l'avait depuis 2 ans. Je l'ai gardé 6 ans. Il est mort, il avait 8 ans. Et vous ne le gardiez pas dans un bocal? Non, parce que j'ai un ami qui est vétérinaire. Et quand elle me l'a donné, il était dans un petit bocal. Et il m'a dit que je pratiquais la tyrannie animale. La maltraitance du poisson rouge. La maltraitance du poisson rouge. Donc j'ai pris après un aquarium plus grand. Un aquarium plus adapté. Et puis, comme je disais, la standardiste, j'étais très heureux le matin quand je venais prendre mon petit déjeuner. À 6h du matin, ils faisaient des loopings et tout. Et c'était un spectacle très agréable. Et je m'y suis très attaché. Et puis, honnêtement... ça faisait sourire les copains, mais j'ai eu énormément de peine quand je l'ai perdu, parce que c'était vraiment un élément de ma vie. Voilà. Oui, ouais, ça vous a... Vous étiez triste. Si vous allez sur les sites de vidéos, vous allez voir qu'il y a des personnes qui apprennent des tours à des poissons rouges, avec passer dans des cerceaux, etc. Oui. Et grâce à des friandises, on peut leur apprendre des tours. Allez, moi, il avait les mêmes... Il savait que j'allais lui donner à manger, donc il faisait des mouvements. Enfin, c'était assez agréable. Franchement, c'était un spectacle que j'ai apprécié pendant des années. Quoi. C'était un animal d'accord. qui m'a apporté beaucoup de choses. Voilà. Guillaume, vous êtes d'accord? On peut s'attacher à des poissons comme on pourrait s'attacher à un chat ou un chien? Ah bah, absolument, oui. D'ailleurs, c'est assez surprenant, mais la plupart des gens qui nous apportent des poissons rouges à l'aquarium reviennent par la suite pour aller voir. Mais dans le bassin, parce que je crois qu'ils sont mis avec les carpes koi, et dans le bassin, ouais. Ils les reconnaissent quand même, leurs poissons rouges? Oui, ils arrivent à les reconnaître. Oui, alors les poissons rouges ont souvent des signes distinctifs, et bon, par exemple une nageoire en triangle, ou des couleurs même blanches, enfin, et ils les reconnaissent. Alors, faut savoir quand même que les poissons rouges, vous les mettez dans un bassin qu'on appelle un bassin caresse. C'est vrai qu'ils aiment se faire caresser, les poissons rouges? Oui, alors on les met dans 2 bassins. Il y a un premier bassin qui fait 2000 litres avec les poissons de la Seine. Donc là, ce sont des petits poissons rouges qu'on met ici. Et puis ceux qui sont plus gros vont dans le bassin caresse qui fait 20 000 litres avec des carpes. Et là, oui, ils peuvent se faire caresser par les visiteurs. Et il n'y a pas de problème? Non, mais en fait, c'est eux qui viennent au contact, c'est eux qui choisissent. Hein. S'ils ont envie de venir, ils viennent, et puis sinon, ils restent au fond du bassin. Donc la plupart du temps, ils viennent parce qu'on les nourrit en plus, donc du coup, ils sont attirés. Et, oui. Et les poissons viennent se faire caresser. Merci Guillaume. Alors, bon à savoir quand même pour ce week-end à l'Aquarium de Paris, à l'occasion du 10e anniversaire de l'Aquarium, l'entrée est gratuite pour les parents accompagnés d'enfants. C'est alors, chouette. Les enfants payent. Pour une fois, c'est les enfants qui payent. Mais là, c'est les parents. Et pour une fois, c'est les parents qui payent pas. Qui en fait. Payent pas, voilà. C'est sympa. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci. Et merci à Serge pour son témoignage sur son poisson rouge. 7h41, Laetitia. C'est la rentrée, Laetitia. Et quand arrive la rentrée, on est plein de bonnes résolutions. Pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt une bonne nouvelle la rentrée. Hein. Voilà, on retrouve ses amis, on retrouve son travail, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit blues. Et ce blues peut même arriver chez les animaux. Et voilà, et nous sommes pour en parler avec le docteur Edith Beaumont-Graff, qui est vétérinaire comportementaliste à Nîmes et co-auteur d'un livre qui s'intitule tout simplement « Mon chien s'ennuie » aux éditions Erol. Edith, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, est-ce que les chats, les chiens peuvent souffrir d'une déprime post-vacances? Alors oui, on va dire plus que d'une déprime, ça va être l'anxiété ou de la nervosité ou un certain nombre de troubles du comportement qui peut arriver, simplement parce qu'il y aura une rupture en fait dans leur mode de vie et c'est moyennement accepté par le chien ou par le chat de manière différente pour le chien et pour le chat. C'est souvent si le chien part avec ses maîtres en vacances, il va être tout le temps avec eux, avec un peu de chance, oui. Sauf s'il est évidemment mis en pension, auquel cas, là, le retour va plutôt se faire joyeux. Mais s'il a la chance de passer de vraies vacances avec ses maîtres en leur compagnie, eh bien, quand il va rentrer et que les maîtres vont reprendre le travail, là, il peut souffrir vraiment de ce qu'on appelle une forme d'anxiété de séparation et faire vraiment un blues post-rentrée. C'est quoi les symptômes? Alors, la plupart de ces symptômes d'anxiété de séparation se manifestent par des destructions en absence, des gémissements, de la malpropreté, toutes sortes de symptômes extrêmement désagréables pour les maîtres, pour les voisins, souvent, oui. Et puis qui témoignent de la souffrance du chien à ces moments-là. Et est-ce que les chats, alors moi je pense plutôt aux chats, vous savez, il y a beaucoup de chats qui partent en vacances dans la maison de campagne, oui. Ils sortent, oui. Alors, et après ils reviennent en ville, tout et là... Fait. Alors voilà, donc ça là c'est pour des raisons un petit peu différentes, ça concerne principalement les chats qui vivent dans des milieux plus confinés comme des appartements ou des maisons desquelles ils ne peuvent pas sortir, et quand une fois qu'ils ont goûté à la liberté et qu'ils ont goûté aux joies de la prédation, parce que finalement le chat il est fait pour ça, hein, pour pouvoir chasser les oiseaux, les souris et les insectes, et bien quand il rentre chez lui, effectivement là il y a aussi des tas de choses qui peuvent se passer et il peut se sentir très mal. Et alors là aussi, pareil, la déprime chez le chat. Alors là, ça se manifeste de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à plutôt essayer de continuer ses activités de prédation, on va dire, et de sauter sur tout objet ou toute personne en mouvement. Alors pas de chance, parfois ça peut être les mollets des propriétaires ou une main qui passe, et puis petit à petit, au fil du temps, ça va avoir tendance à s'aggraver et à faire vraiment le lit d'une véritable anxiété. Alors, est-ce que certaines races de chiens ou de chats sont plus prédisposées au stress de rentrée que d'autres ? Non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des races prédisposées. On va dire les chats plus actifs, de manière générale, vont être plus prédisposés à avoir ce type de comportement lorsqu'ils rentrent chez eux, beaucoup plus que des chats, on va dire, tranquilles comme pourraient l'être certains persans, exactement. Sinon, bon, c'est plutôt une question individuelle plutôt qu'une question de race, on va dire. Il y a des chiens qui sont plus sensibles que d'autres, mais on les retrouve absolument dans toutes les races. Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour notre animal déprime? Eh bien alors, si l'animal déprime, la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'abord de vérifier s'il n'est pas malade. Parce que bien souvent, en fait, quand on pense que il y a des troubles du comportement qui peuvent être attribués à tel ou tel événement, On oublie que l'animal peut aussi tomber malade. Et alors, la meilleure chose à faire, on va dire, c'est d'aller le montrer chez son vétérinaire. Alors, si manifestement, ce ne sont que des troubles du comportement, bien, c'est pareil. Je pense que le mieux, c'est d'agir très vite et d'aller se diriger vers un vétérinaire comportementaliste avant de risquer d'aggraver les choses en prenant des mesures qui peuvent être néfastes pour l'animal, en fait. Alors, dans certains cas, bon, ça peut, les choses peuvent s'amender toutes seules. Donc on peut se donner une quinzaine de jours, on va dire, pour se dire bon voilà, l'animal va se réadapter, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais si manifestement ça ne rentre pas dans l'ordre au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours, c'est clair qu'il faut consulter. Et si l'animal ne mange pas, il faut consulter beaucoup plus rapidement, bien sûr. Bien sûr. Et pour prévenir ce blues de la rentrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sortir par exemple souvent le chien? Alors, pour prévenir, alors sortir le chien, non, parce que en fait c'est la présence, la quantité de présence. Alors je dirais que même en vacances, il faut peut-être pouvoir apprendre au chien à rester seul. Donc même en vacances, ne pas l'amener tout le temps partout. Continuer à organiser des périodes d'absence pour qu'il n'y ait pas trop de rupture, si vous voulez. Ça peut être intéressant à faire. Et je dirais, moi, pour les chats qui ne sortent pas et qui sont appelés à ne pas sortir de toute l'année de chez eux, les faire sortir un peu, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on peut les prendre en vacances, mais d'accord, il vaut mieux qu'ils restent dans leur mode de vie habituel. Ah, Edith, merci beaucoup. S'ils ont goûté, après, c'est ça le problème. Oui. C'est ça, exactement. Merci Edith, merci. Bon. Alors, si vous voulez en savoir plus, si votre chien ou votre chat, et surtout votre chien d'ailleurs, a des problèmes, vous avez un livre qui s'appelle « Mon chien s'ennuie » aux éditions Erol, et c'est écrit par Edith Beaumont-Graff que nous venons de recevoir. Merci Edith, beaucoup. Bon dimanche. Au revoir, bon dimanche. Au revoir. Laetitia, il est 7h48, on arrive à notre dernière ligne droite de ce rendez-vous animaux. Et on va découvrir dans un instant un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. C'est Pierre Gay, le directeur général du bioparc de Douai-la-Fontaine en Maine-et-Loire. Près d'Angers sera avec nous. À tout de suite. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez joindre notre vétérinaire ce matin, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances. C'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille. C'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un smartphone à prix cool. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'iPhone 5S 16 Go, argent ou gris sidéral, est à 349 €. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà, à suivre sur RMC, votre matinée chez nous. Après la météo, les infos de 8h, on changera d'univers puisque ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour l'automobile. Hein, votre auto, comme chaque dimanche, 8h-10h, avec toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ça sera la Kia Optima Fève, qui est en fait une hybride rechargeable. Et puis, on évoquera aussi le contrôle technique pollution. Qu'est-ce qui va changer? Et vos questions au 32-16. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va découvrir un parc zoologique pas comme les autres. Et oui, c'est le bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est dans le Maine-et-Loire, près d'Angers et de Saumur. Et nous sommes avec Pierre Gay, qui est directeur de ce parc. Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi auteur de Une promesse de nature aux éditions de Lachaud et Nestlé. Alors, dites-moi, le bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est une affaire de famille, puisque c'est votre père qui l'a créé il y a 55 ans. Aujourd'hui, c'est un parc qui œuvre vraiment pour la protection des espèces dans la nature. On va y revenir. Mais c'est aussi un parc, alors moi je l'ai visité, qui a, de par sa philosophie et par son site, quelque chose d'à part. Dites-nous pourquoi ce parc est unique. Il est unique d'abord par son site. Mon père a eu une chance incroyable de trouver à quelques centaines de mètres de chez lui des carrières abandonnées. depuis plusieurs dizaines d'années. Oui. Il a été complètement séduit par cet endroit et voilà, il avait envie d'avoir des animaux. Il a débuté ce parc zoologique en 1961 et ensuite il a confié à son fils, c'est-à-dire moi-même, une super ménagerie, mais papa, il a confié ça à quelqu'un qui n'était pas fait pour ça. Moi, il m'a élevé comme un naturaliste. J'ai été élevé en liberté avec des animaux, mais je me suis retrouvé un peu plus de 20 ans travailler gardien de zoo. Ça m'a pas emballé. Et en fait, plutôt que de refuser cet héritage, j'ai décidé d'essayer de convaincre mon père d'en faire autre chose. On a œuvré pendant plusieurs dizaines d'années ensemble à transformer cet endroit. Maintenant, mon fils travaille avec moi et dirige le parc à son tour. Et on essaie de coller à la nature, de faire de nos animaux des ambassadeurs de leurs cousins captifs, de leurs cousins... Dans la nature. Cousin sauvage, pardon. Mmh. Oui. Et en 2001, à l'occasion des 40 ans du zoo, j'avais eu une idée un peu forte, je crois, de trouver 40 idées de protéger et d'aider ces animaux menacés. Et alors, vous vous impliquez dans la protection d'espèces menacées, comme par exemple celle des vautours en Bulgarie. D'ailleurs, vous venez de recevoir un prix pour cette implication. Vous avez amené là-bas des actions de réintroduction d'animaux nés chez vous. Je crois qu'il y a deux vautours d'ailleurs qui doivent partir ce mois-ci. Oui. Racontez-nous. En fait, au tout début de mon travail dans le parc, j'ai reçu la visite de gens que j'appréciais déjà beaucoup, qui travaillent pour la protection des oiseaux en France et qui m'ont dit si un jour vous avez des naissances de vautours, est-ce que vous accepteriez de les relâcher dans la nature? Ben, j'ai dit oui, c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie. Il se trouve que c'était dans l'Aveyron, dans les Cévennes, et que nous sommes d'origine aveyronnaise. Et voilà, ça a démarré comme ça, mon implication aussi, en 1977 ou 18. En 1983, notre premier poussin de vautour a été lâché dans la nature, et depuis cette époque, chaque année, ce sont un, deux, trois vautours, suivant les naissances qu'on a, qui partent dans la nature, depuis une dizaine d'années en Bulgarie. Et j'avais été contacté par une association bulgare qui voulait réintroduire des vautours dans ce pays où ils ont disparu. Il faut rappeler que les vautours ont une utilité très importante dans la nature, puisqu'ils la débarrassent des charognes, et oui. Ainsi, ils empêchent la dissémination des bactéries, des virus. Enfin, voilà, ce sont des vrais filtres biologiques pour la nature. Alors certains ne croient pas du tout à la remise en liberté d'animaux sauvages nés en captivité. Que leur répondez-vous? Alors il faut dire que le vautour fauve, la réintroduction du vautour fauve, ça a été la première expérience de réintroduction d'une espèce dans la nature. Qu'il se trouve que les vautours en particulier n'ont pas besoin d'apprentissage de la chasse, ce sont des charognards. Il leur suffit de suivre les grands corbeaux, par exemple, quand il n'y a plus aucun de leurs congénères, ou d'autres espèces charognardes, pour trouver à manger. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'espèces au comportement plus élaboré, notamment certains félins ou certains primates. Mm-hmm. Mais on est en train, en ce moment, avec l'Association européenne des parcs zoologiques, de réintroduire des panthères dans le nord de l'Iran, et ça se passe tout à fait correctement. Il suffit, évidemment, on ne va pas passer d'une cage de cirque ou de ménagerie ou de zoo à la nature. Et il y a des étapes, il faut les apprendre à chasser en particulier. S'ils sont des primates, il faut les apprendre aussi à se nourrir dans la nature, mais à se méfier des prédateurs, puisqu'ils sont soumis à la prédation. Et il y a le cas du tamarin lion doré au Brésil qui a été réintroduit depuis une trentaine d'années avec succès, puisqu'on est passé de 70 individus à plus de 3000 animaux dans la nature aujourd'hui. Non, mais moi je respecte tout à fait les gens qui n'aiment pas la captivité, je suis pas un fanatique non plus. Je pense que les parcs zoologiques existent et qu'il faut en faire quelque chose de positif. Je suis quelqu'un de positif en général. Mmh. Et vous œuvrez aussi pour depuis 15 ans pour la protection des dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Ouais, quelle aide apportez-vous concrètement à cette action? Alors si vous voulez, on s'est très vite aperçu, mais vraiment très vite, dès qu'on a eu l'idée de démarrer ces projets, qu'on ne pouvait rien faire sans l'homme, qu'on ne pouvait rien faire sans les communautés qui vivent au contact de cette nature menacée. Et en fait, tous les projets qu'on soutient maintenant passent par ces communautés. Et au Niger en particulier, il existait un troupeau de girafes tout à fait au bord de la disparition, puisqu'il en restait environ 80 au début des années 2000. Et les personnes que j'ai rencontrées là-bas m'ont dit « si tu veux sauver les girafes, il faut aider les hommes, parce que c'est eux qui les détruisent pour survivre ». Et donc pour ces girafes, on ne fait pas grand-chose, mis à part les compter de temps en temps, mais surtout on organise des microcrédits au service des populations humaines qui vivent dans cette région. Et il y a quelques jours, des sculpteurs nigériens qui viennent chez moi depuis 15 ans sont partis avec 5 à 6 000 euros qu'ils ont gagnés eux-mêmes en vendant des sculptures qu'ils fabriquent devant le public au parc. Et ces 5 à 6 000 euros supplémentaires vont aller complémenter les 100 ou 150 000 euros qu'on a là-bas qui circulent en microcrédit dans la zone des girafes. C'est génial. Et vous avez 16 projets en tout de conservation des espèces, des projets que vous appelez des projets nature. Ouais. En ce moment, on en a 27 ou 28. Il y en a eu 40 il y a 15 ans. Mais oui, on n'a pas pu tout garder parce que certains projets n'ont plus besoin de notre aide. Ils ont eu d'autres financements. Mais par exemple, là, hier encore, j'étais en contact avec un Argentin. Je vais beaucoup en Argentine pour les condors, pour les grands, peu importe. Et ces Argentins, ils veulent introduire dans la nature un ara rouge qui a disparu d'Argentine depuis 2 ans. Alors cet ara, il n'est pas rare dans la nature. Il existe au Brésil, en Bolivie, dans d'autres pays sud-américains, mais il a disparu d'Argentine. Et cette équipe de biologie cherche un appui. À veut le réintroduire. Et on va essayer de les aider avec l'association des zoos français. Dans un premier temps, ils ont besoin d'une dizaine d'oiseaux pour relâcher cette année. Et on va essayer de trouver, avec nos collègues français, 10 oiseaux nés en captivité cette année pour qu'ils soient relâchés dans le nord de l'Argentine. Pierre, merci beaucoup. Des très belles actions. Merci. Pierre. Donc, je rappelle que vous êtes directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine. C'est dans le Maine-et-Loire, près d'Angers et de Saumur. Je vous invite vraiment à aller visiter ce parc qui est magnifique. Et en plus, voilà, vous en saurez plus sur toutes les actions que mène le parc et que vous menez, vous, Pierre, dans la nature pour la conservation des espèces. Et vous êtes aussi auteur de Une promesse de nature aux éditions de la Chaux et Niestlé. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Bon dimanche. On va terminer avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Est-ce que vous avez vu cette petite vidéo que nous avons mise sur la page Facebook? C'est un petit chat. Oui. Qui est devant une fenêtre. Et qui a bugué. Parfois on dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai bugué. Eh bien le chat, lui, a complètement bugué. Voilà. C'est-à-dire qu'il est complètement bloqué. On dirait qu'il est en arrêt sur image. Voilà. Et il fixe un point qui est un petit peu vers le ciel. Et son maître ou sa maîtresse essaie de le distraire, etc., de le toucher et tout. Et le chat ne bouge pas. On dirait que c'est un chat qui est complètement arrêté, qui n'a plus de piles, en fait. C'est comme mon ordinateur qui, de temps en temps, bug. Et il ne se passe rien. J'ai beau faire ce que je veux. Et ben c'est pareil, ce chat. C'est-à-dire, on le touche, on le pousse, il ne bouge pas. Il est complètement concentré. Je ne sais pas s'il a vu une proie potentielle. Il a sûrement vu un pigeon. Mais il ne bouge pas. Chat. C'est dingue. Incroyable. Une petite vidéo très drôle. À retrouver donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et au passage, vous cliquez sur j'aime. Bien sûr. Laetitia, on sera là bien sûr dimanche prochain. Oui, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Je vous embrasse et à dimanche prochain. Voilà, notez ce rendez-vous unique en France. Seul RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux. C'est tous les dimanches, 6h, 8h. Et dans un instant, c'est un sacré coco lui aussi. C'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint. 2 heures dédiées à l'automobile après la météo et les infos. Et vos questions au 32-16. À tout de suite. Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. RMC, 8h, une nouvelle heure commence. Plus que 2 jours avant de vivre une expérience renversante avec le mois Carrefour. Embarquement immédiat, sensation forte garantie, le mois Carrefour démarre à toute allure avec des promos sur des milliers de produits de marque et plein de surprises jusqu'au 3 octobre. Attention au départ. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. C'est l'heure de la météo des plages maintenant sur RMC et c'est avec vous Jean-Baptiste Vergès. Bonjour François, bonjour à tous. Alors on a connu mieux pour aller à la plage aujourd'hui. Des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne, ciel assez nuageux toute la journée, pas de pluie mais du vent à plus de 70 km/h. La Normandie ne sera pas épargnée par ces rafales. Du coup, si vous êtes à Deauville aujourd'hui, vous pourrez toujours vous consoler avec le festival du film américain qui a ouvert ses portes vendredi à Deauville sur la plage. Température prévue 22 degrés, l'eau sera à 18. Même température pour la plage de Guilvinec dans le Finistère avec une mer assez agitée et d'épais nuages pour vous accompagner. Plus bas, des plages vendéennes à celles du Pays Basque, moins de nuages, vous aurez droit à de belles éclaircies mais pas mal de vent, notamment sur les plages de Royan en Charente-Maritime, température de l'eau prévue de 21 degrés, 22 sur le sable. Et puis en Méditerranée, des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, le ciel restera voilé, la tramontane vous accompagnera sur les plages de Narbonne, vent à 50 km/h à Narbonne où l'eau est prévue à 22, température extérieure de 31. Et puis du côté de Nice, la mer sera plus calme avec une eau à 26 degrés. C'est la même température que en Corse. Bonne journée et bon dimanche avec RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Italie. 16h15, rugby top 14, UBB Montpellier, suivi à 21h de Racing 92 Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC.